السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، en cette soirée, alhamdoulillah, en cette soirée du samedi 18 Dhul-Hijja 1430 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 5 décembre 2009. Bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes, incha'Allah ta'ala, nous sommes toujours avec l'Aqidah al-Wasitiyya, le tome 2, au cours numéro 49. Au cours numéro 49, incha'Allah ta'ala. Vous vous souvenez? Donc on avait commencé à expliquer le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il avait dit ad-din an-nasiha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdoulillah. Donc comme je disais, nous sommes inchallah ta'ala au cours numéro 49. 49e cours du tome 2 l'Aqidah al-Wasitiyya. Nous avons commencé par, la fois passée, à expliquer le hadith du messager d'Allah, qui a dit que notre religion, c'était quoi? C'était an-nasiha, dinu an-nasiha. Certains ont expliqué an-nasiha comme quoi c'est le conseil, d'autres l'ont expliqué comme quoi c'est la sincérité. Et il l'a dit trois fois, et les compagnons que Allah Azza wa Jalla les a guéris ont demandé an-nasiha envers qui? Envers qui? Il a dit envers Allah subhanahu wa ta'ala, son livre, son messager, les gouverneurs, l'a'imma, l'a'imma al-muslimin, les responsables. Ensuite, il a dit wa'ammatihim, et les gens de l'ensemble de la communauté, ou bien les gens de la masse. Et on avait dit que l'ikhlas, la sincérité, ou bien la nasiha, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est d'être sincère dans l'adoration, et aussi c'est de lui reconnaître yani, sa seigneurie, l'unicité dans la seigneurie, dans la divinité, et dans les noms et les attributs. Ensuite, on avait dit que la sincérité et la nasiha au livre d'Allah Azza wa Jal, c'était, on révise très vite, c'était premièrement 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses. C'était yani, de défendre ce livre yani, et d'éloigner de lui yani, au maximum toutes les bid'as que les gens ont ajoutées, et aussi de remettre en place des gens les choses que les gens ont retranchées. Et qu'on devait croire en tout ce qu'il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, même les choses qui nous paraissent peut-être yani, anormales ou là, il faut croire en ça. Il faut croire en ça d'une croyance yani, avec conviction. Et que, troisièmement, c'est appliquer quoi? Appliquer yani, les ordres qu'il y a dans le livre. Quatrièmement, s'éloigner des interdits qu'il y a dans le livre. Tout ça, ça rentre dans Nasiha au livre. Et cinquièmement, croire que, yani, que tous les jugements et tous les ordres qu'il y a dans ce livre ne contiennent que du bien. Ne contiennent que du bien. J'ai donné l'exemple des gens qui croient que yani, si Allah Ta'ala ordonne de fouetter quelqu'un, de lui couper la main, que donc c'est de la barbarie, et que Allah Azzawajal, donc, n'est pas miséricordieux, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque de la foi et le manque de la science qui te laisse parler ainsi. Naam. Sixièmement, croire que ce livre, naam, le Coran, vient d'Allah Azzawajal, mot, yani en ses lettres et en ses quoi? Et aussi, yani les lettres et le sens. Naam. Le livre d'Allah Azzawajal, ce n'est pas, yani, c'est yani, ce qu'a voulu dire Allah à peu près. Non, les mots, les lettres qu'il y a dans les mots, c'est Allah Ta'ala qui les a prononcés. Naam. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas, comme les Mu'tazilites qui ont dit que Allah Ta'ala n'a pas parlé directement à Jibril. Et Jibril ne l'a pas entendu. Et Allah Ta'ala a parlé à un arbre et ensuite a ordonné à Jibril d'aller mettre son oreille yani, sur l'arbre et écouter ce qu'a dit Allah Ta'ala. Et ça, bien sûr, un enfant ne dirait pas cela, car on va dire donc que l'arbre, a un statut plus élevé que le messager. Naam. La preuve que yani, Allah Ta'ala a révélé à l'arbre et n'a pas révélé à qui? N'a pas révélé à son messager. Naam. Et on ne dit pas aussi comme les Ash'arites qui disent que yani, c'est le sens de ce qu'a voulu dire Allah, mais ce n'est pas yani, exactement ce qu'a voulu dire Allah Ta'ala. C'est seulement yani, Ibara, comme on dit en français, Ibara. Naam. C'est pour ça qu'ils disent que s'il est parlé, naam, si la parole d'Allah Ta'ala est si en arabe, c'est le Coran. Si c'est en latin, c'est l'Injil. Et si c'est en hébreu, c'est Torah. On dit tout ça, ce n'est pas vrai. Et vous êtes vraiment loin, Yannick, de reconnaître que le Coran, c'est la parole d'Allah Azzawajal, avec ses mots et yani, ses lettres et le sens. Et ceux qui veulent beaucoup plus de détails dans cette chose, c'est très important, qu'ils reviennent au premier cours, des cours, yani, de ce livre, quand c'était le premier tome, spécialement, yani, des cours sur la parole d'Allah. 2 ou 3 heures spécialement sur la parole d'Allah et la différence entre yani, la position de Al-Sunna al-Jama'a et la position des innovateurs. Ensuite, vient deuxièmement, Nasiha li Rasulihi. Au prophète, alayhi. La sincérité au prophète et le nasiha. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses. On va les citer très vite. On a dit que l'iman bi'annahu Rasulullah haqqan. C'est de croire que le messager d'Allah, c'est vraiment lui, yani, le prophète. C'est vraiment lui qu'il était un prophète et un messager qui n'a jamais menti et ni démenti. Qui n'a jamais menti ni Allah Azzawajal a dit une fois que le prophète a menti. Donc, ni il a menti, ni il a été démenti par Allah Azzawajal. Taniyin, bon, ça c'est premièrement. Ça c'est deuxièmement, à fond. Et premièrement, que j'avais sauté, c'est le suivre. Le suivre, naam. Et Allah Ta'ala قال, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, nous, les musulmans, notre modèle c'est qui? Ce n'est personne sauf le messager d'Allah, alayhi sallam. C'est lui notre modèle. On n'est pas comme les autres qui ont tel chanteur qui est son modèle, l'autre il a tel sportif qui est son modèle, l'autre il a tel président qui est son modèle, et l'autre je ne sais pas c'est quoi son modèle. Nous, notre modèle c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Amina wa ibn Abdillah. Naam. Tu veux le modèle dans comment qu'il dirigeait un dirigeant, c'est lui. Tu veux le modèle, quelqu'un, un musulman simple, c'est lui. Tu veux le modèle de quelqu'un de pauvre, c'est lui. Le modèle d'un mari, c'est lui. Le modèle d'un père, c'est lui, parce qu'il avait des enfants. Le modèle de tout ce que tu veux, c'est toujours lui, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et troisièmement, an tu'mina bi kulli ma akhbara bihi min akhbar al-madhi wal hadir wal mustaqbila. Pour que vraiment tu aies cru en ce messager d'Allah, alayhi wa sallam, la troisième condition, il faut que tu crois en tout, yani, toutes les informations qu'il t'a rapportées. Que ça soit yani, dans les communautés qui nous ont précédés, ou bien que ça soit en notre temps maintenant, ou bien que l'information ait rapport avec le futur. Non. Le messager d'Allah, quand il te parle même de ce qui s'est passé dans les communautés d'antan, il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans, il te dit c'est passé telle ou telle chose, tu dis Naam ya Rasulallah, c'est vrai, ça s'est passé. Naam, ça s'est passé. Il te dit au temps de Ben Israël, par exemple, Moussa alayhi salam, une fois par exemple, il a nagé dans un petit lac, Naam, il a déposé ses vêtements, ensuite il y a un caillou, là, un rocher qui a pris ses vêtements, etc. Tu dis Naam ya Rasulallah, c'est vrai, ça s'est passé ainsi. Et comme ça, tout ce qu'il te raconte, il dit il y a un loup qui a une fois parlé, tu dis c'est vrai. Il dit une fois quelqu'un est monté sur une vache et la vache a parlé. Elle a dit on n'a pas été créé pour qu'on monte sur nous. On a été créé pour le labour. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Tu dis c'est vrai. Non. Il te dit que Allah Azzawajal a envoyé un ange, a envoyé l'ange de la mort à Moussa alayhi salam, et Moussa ne l'a pas reconnu. Il lui a crevé son œil. Tu dis c'est vrai. Non. Et comme ça, toutes les informations que tu as de lui, pourvu qu'elles soient authentiques, tu dois certifier leur quoi, leur vérité. Sinon, tu n'as pas suivi le messager d'Allah. Quatrièmement, yani, pour que vraiment tu l'aies suivi, que tu appliques ce qu'il t'a ordonné de faire, ses ordres, que tu appliques ses ordres. Cinquièmement, que tu yani, te détournes et t'éloignes de ce qu'il t'a interdit, de ce qu'il t'a interdit. Sixièmement, que tu défendes sa charia, que tu défendes sa charia. Parce qu'il y a certains musulmans qui sont vraiment faibles, qui sont vraiment faibles. S'ils sont devant un kafir, un mécréant, ou un richard, ou là je ne sais pas qui, ou là, nam, ils ont honte et ils sont complexés de défendre nam, la charia d'Allah Azzawajal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont complexés, ils ont honte. Non. Alors que le vrai musulman, si vraiment tu aimais le messager d'Allah alayhi wa sallam, tu le défendrais devant n'importe quelle personne. L'axe, tu lui dirais au contraire, yani, toi, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas être un angle dans ou là, sur l'orteil yani, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sabi'an. أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به عن الله في لزوم العمل به لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. نعم septièmement c'est très important, il faut que يعني tu mettes dans ton cœur, tu certifies que quoi, que tout ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit être, c'est comme si ça venait d'Allah azzawajal dans le fait d'appliquer. Pourquoi? Parce que certains peut-être font la différence, tu dis bon ça c'est pas dans le Coran, c'est le messager d'Allah qui l'a dit. Tu dis naam, mais il n'y a pas de différence entre ce que dit Allah et ce que dit son prophète. Il n'y a pas de différence. Le prophète est-ce qu'il a le droit de parler de sa tête, ou bien de ses passions, ou bien il dit ce qui lui plaît, ou bien il dit ce qu'il lui pense. Jamais de la vie. Ça, c'est quand il parle de la dunya. Pas de la dunya, il te dit, donne-moi l'oreiller, assieds-toi là-bas. Non, mais s'il parle dans le din, il ne peut jamais parler sans que Djibril ne lui dise, Allah t'a dit. Ou bien, sans que Allah Ta'ala ne yani, lui révèle directement dans son cœur, par ilham. Non. Donc, tout ce que dit le message de là, c'est comme c'est Allah Ta'ala qui l'a dit. La preuve, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Nisa 59. Ô vous qui avez cru, qu'est-ce que vous faites? Vous devez obéir à Allah Azzawajal et vous devez obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Naam, vous devez. Pourquoi? Parce que obéir, yani Allah Azzawajal ou bien le messager d'Allah Azzawajal, c'est la même chose. Naam, il n'y a pas de différence en islam. Il n'y a pas de différence en islam. Jazakallahu khair muslim, parce que je me suis arrêté un peu, j'étais en train de chercher cette personne. Naam. Tayyib. Et ensuite, Allah Ta'ala dit: Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. Donc il a dit, prenez, c'est-à-dire appliquez ce que le messager d'Allah Azzawajal, ce que le messager d'Allah Azzawajal vous a ordonné, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et ce qu'il vous a interdit, il faut vous en abstenir. Abstenir. Naam. Il y a un hadith ici, très important, que le cheikh n'a pas cité, ma'alif, mais très important, où le messager d'Allah a dit, il a dit, c'est un hadith authentique, et vous pouvez le trouver dans les livres de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, surtout dans Sahih Al-Jama, où le messager d'Allah a dit, attention, yani, vient le temps où l'un de vous va s'adosser sur son fauteuil, et il va dire, ce que je trouve dans le Coran de halal, je vais dire c'est halal, licite, ce que je trouve dans le Coran, c'est illicite, je vais dire c'est illicite, hein? C'est-à-dire, il va s'arrêter là. Il ne va pas prendre de la sunnah. Ensuite, le messager d'Allah a dit dans ce même hadith, attention, prenez garde, nam, nam, elle a en arabe, n'est-ce pas que, nam, tout ce qu'a dit, tout, elle a inna maharam, Allah mit maharam, elle a inna maharam, Rasulullah mit maharam, maharam Allah. Ou bien il a dit, elle a, yani, inni utitul Qur'an, ou mit lahu ma'ahu. Nam, il a dit, n'est-ce pas que Allah Ta'ala m'a révélé le Coran et yani, quelque chose de même niveau avec lui. Même niveau. C'est quoi? Il parlait de la Sunna. Il veut dire que comme Allah Ta'ala m'a révélé le Coran, il m'a révélé aussi la Sunna. C'est pour ça que certains savants disent que les révélations, il y en a deux. Il y a le Coran qui a été révélé, hein, par l'intermédiaire de Jibril. Il y a la sunna qui a été révélée à qui? Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et huitièmement, il a dit, Nasratul Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, in kana hayyan, fa ma'ahu ila janibi, ou in kana mayyitan, fa nasratu sunnati alayhi wa sallam. La défense, on devrait prendre la défense du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment comprendre sa défense? S'il est vivant, on se met à ses côtés. On est toujours à ses côtés s'il est vivant. Naam. Où il est, on est à ses côtés. Il y a une bataille, on est à ses côtés. Toujours contre ses ennemis. Hein, car les ennemis du messager d'Allah sont nos ennemis. Ses amis sont nos amis. Donc, s'il est vivant, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, on doit être à ses côtés. S'il est mort, comment qu'on va défendre? Comment qu'on va le défendre? Il est mort. En étant mort, alayhi salatu wasalam, on le défend en défendant sa sunna. Non. Maintenant, il est mort, mais sa sunna est toujours vivante. Et elle restera jusqu'au dernier temps, jusqu'à la fin du monde. Ou alors, très proche de la fin du monde. Donc, toi, ton but, c'est maintenant quoi? C'est de défendre la sunna du messager d'Allah. Et de la propager aussi. Chaque sunna que tu propages entre les gens, c'est, masha'Allah, tu es en train de quoi? De propager l'islam, mashallah. Regarde les gens, combien qu'ils font d'efforts, et combien ils s'évertuent à propager le mal, à propager le faux, à propager le bouddhisme, à propager le christianisme. Regardez, il y en a surtout les chrétiens qui ne dorment pas, jours et nuits. Ils sont dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, en Algérie ici, en Kabylie, en train de faire sortir les gens de l'islam, et les faire rentrer dans le faux, dans le faux. Et ils ne disent jamais, on est fatigué, ils ne disent jamais, on a perdu de l'argent, ils ne disent jamais, on est devenu malade. Naam, jours et nuits, alors qu'ils sont dans le faux. Subhanallah al-Azim. Donc nous, yani, on devrait faire notre possible pour propager la sunna du messager d'Allah, entre les gens, surtout, yani, de nos temps, où il y a beaucoup d'innovations. Et vous savez que, à chaque fois que tu propages une sunna, tu as fait quoi? Non, tu as été la cause d'avoir tué une bid'a, une innovation. Et à chaque fois que les gens inventent une innovation, ça veut dire qu'ils ont tué une sunna. Ils ont tué une sunna. Et c'est pas la peine de vous dire que Yani, on va propager la sunna entre les kofars. Je dis seulement, on la propage entre les musulmans. Les musulmans eux-mêmes, de nos temps, sont vraiment, vraiment loin de la sunna. Naam. Ensuite, le messager d'Allah a dit, quatrièmement, il a dit, Wali a'immatil muslimin. La nasiha à qui? Au commandeur, au gouverneur, naam, à ceux qui détiennent les commandements. Naam. Il a dit ici, Sheikh, a'imma, a'imma, jam'u imam, c'est le pluriel de imam. Ou l'imam, c'est qui? Le qudwa, c'est le modèle. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. An-Nahl 120. An-Nahl 120. Allah Ta'ala a dit, et Ibrahim était un guide parfait. Était un guide parfait. Cheikh dit Allah Yirhamou, et Qudwa. Wa minhu, qawlu Ibad Rahman, waj'alna lil muttaqina imama. Le Furqan 74. Qu'est-ce que ça veut dire, waj'alna lil muttaqina imama? Allah Azza wa Jal a fait des éloges à certains gens dans le Coran. Il a appelé Ibad Rahman. Il a cité entre eux, entre autres, qu'est-ce qu'ils disent? Que disent Ibad Rahman? Ils disent, Allah Ta'ala a dit, et ceux qui disent, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux. Naam, qurrata ayun. Et fais de nous un guide pour les pieux. Voici le témoin du Dars. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما et fais de nous un guide pour les pieux. Ah. Donc vous voyez que lorsque Allah Azza wa Jal te veut du bien, qu'est-ce qu'il fait de toi? Il ne fait pas de toi un footballeur, par exemple, un footballeur très connu, ou là, un boxeur, ou là, un chanteur, ou là. Qu'est-ce qu'il fait de toi? Il fait de toi un guide dans le bien. Dans le bien. Hein, tu deviens, les gens, tu es la cause pour qu'ils soient guidés. Ça veut dire que Allah Ta'ala a voulu de toi du bien. Et pour guider, ce n'est pas obligé que yani, tu aies des gens, yani, des centaines et des centaines pour les guider. Non, si tu peux guider déjà dans ta famille, comment guider tes enfants, etc., mashallah, tu as atteint le statut de guide. Et l'autre, il peut guider dans son quartier. Et l'autre, il guide dans son travail, et l'autre il guide où? Dans la mosquée. Et comme ça, si tu parviens déjà à guider les gens, à les orienter vers le bien, vers l'islam, vers la sunna, vers le minhaj, c'est que Allah Ta'ala t'a vraiment voulu du bien. Et il faut se vanter alors, il faut se vanter. Tu es qui? Tu travailles pour Allah Azza wa Jal. Naam. Tu es un de ses soldats. Il y a des gens qui, du matin au soir, travaillent pour qui? Pour le mal. Pour le mal. Comment yani, propager ce mal au maximum. Il y a des gens du matin au soir qui travaillent comment propager l'indécence et propager des choses de haïb, vraiment, des choses pornographiques, des choses du matin au soir. Ils sont là avec leur chaîne de télévision, leur cassette. Du matin au soir, ils propagent quoi? Ils propagent le mal. Toi, Masha'Allah, Allah Azza wa Jal a voulu de toi. Hein, il a fait de toi un soldat qui propage l'islam, qui propage le bien, qui montre aux gens comment adorer Allah Azza wa Jal, comment s'éloigner du mal, comment yani, leur montrer quel est le chemin du paradis, naam, comment arriver vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal fasse de vous et de nous un guide pour les pieux. C'est pour ça qu'il a dit ici, il a dit, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Vous avez remarqué ce qu'ils ont dit? Et fait de nous un guide pour qui? Pour les pieux. Un guide pour les pieux, pas un guide pour comme vous voyez, il y a des guides pour la perversité, il y a des guides pour les kofars, pour le coffre, il y a des guides pour la piété. Naam. Wa a'immatul muslimin sinfan min an-nas. Et les gens, naam, qui sont les imams des musulmans, ce sont deux sortes. Il faudrait bien bien écouter ce dars inshallah ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à le comprendre et à appliquer. Ce que je vais dire maintenant, on rentre vraiment dans le minhaj de Al-Sunnah al-Jama'ah. Et quiconque n'a pas, yani ne certifie pas, ne dit pas ce que je dis maintenant, ce que je veux dire, bien sûr, ce que les savants ont dit, moi je répète, c'est tout, j'explique, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est vraiment pas dans le minhaj, qu'il est loin. Il est loin d'avoir compris l'islam et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les imams? Premièrement, ce sont les savants. Et deuxièmement, ce sont qui? Ce sont ceux qui détiennent les rênes du pouvoir, c'est-à-dire les commandeurs, c'est-à-dire les gouverneurs. On va commencer par les savants. Il a dit « el-ulama'u ». Ceux-là aussi, on doit leur faire les conseils, on doit être sincère avec eux. C'est qui l'ulama'u? Il a dit « wal-murad bihim l'ulama'u rabbaniyun alladhina waritu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan ». Il a dit « les savants, il faut d'abord qu'on sache que on est en train de parler des savants rabbaniyun ». C'est-à-dire les savants qui vraiment font ça avec prêchent la science avec sincérité et pour Allah azzawajal. Et pour Allah azzawajal. Pourquoi on dit ça? Parce que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah dans un de ses livres, il dit les savants se divisent en trois. Il y a les savants rabbaniyun, ceux dont on est en train de parler maintenant, les vrais. Ensuite, il a dit, il y a les savants de la Ummah. La Ummah. Il a dit en arabe, ulama ou Ummah, ulama ou Milla, ou les troisièmes, comment il les a appelés, attendez, ulama ou Ummah, ulama ou Milla. Troisième, j'ai oublié comment il les a appelés, mais et il y a les savants, comme j'ai dit, yani de la Milla. Milla, c'est-à-dire du din, les vrais, qu'on appelle maintenant Rabbaniyun. Il y a des savants de la Ummah. Les savants de la Ummah, c'est-à-dire ce sont les gens qui suivent ce que disent les gens. Si les gens disent telle chose, eh bien, il dit, on fait telle chose. Si les gens disent, on fait un vote, il dit, on fait un vote. Si les gens disent, on va rentrer dans la députation, ils vont dire, on rentre dans la députation. Ce sont les gens qui suivent. Les gens, ce sont les savants qui suivent les gens de la masse. Il a dit, ce ne sont pas les vrais savants. Et ensuite, il y a les troisièmes, les savants du sultan. Les savants de qui? Yani des gouverneurs. Non, il a dit, Daoula. Daoula, je me rappelle maintenant. Les savants de l'État qui ne te dit que ce que l'État veut. Si l'État dit que la loterie, par exemple, est licite, il va dire la loterie est licite. Si l'État dit yani, que telle chose est haram, même si elle est halal, il dit cette chose est haram pour faire plaisir à l'État. Cela, bien sûr, c'est très grave pour eux demain quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a l'ulama ul milla, rabbaniyun, les vrais, dont Cheikh Larmo est en train de parler ici. Il a dit, ceux-là ont hérité le messager d'Allah, ils l'ont hérité, ilman, dans sa science, ibadatan, dans son adoration, akhlaqan, dans son comportement, wa da'watan, et dans sa da'wa. Ce n'est pas comme y a certains gens qui croient que s'ils mettent le truc qu'on met sur la tête, comme par exemple l'azhar, ils mettent le rouge là sur la tête, je ne sais pas comment ça s'appelle, chéchia, on dit non. Ça veut dire, khlas, tu es devenu savant. Non. Il faut juste que tu sois passé par le hasard, par exemple, et que tu mettes le truc là rouge sur sa tête. Khlas, c'est le savant. Ah, tout ce qu'il dit, c'est ça l'islam. Non. Mais Shir ne parle pas de cela. Shir parle des vrais savants, ceux qui ont hérité le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est très dommage que tu trouves quelqu'un de nos jours qui a doctorat en sciences islamiques. Quelqu'un. Il va te dire, j'ai étudié 10 ans à l'Azhar, j'ai doctorat. Et tu lui dis un seul hadith, un petit hadith, il ne le connaît pas. Ou bien, quand il va dire des choses, il va se baser sur des hadiths faibles. Des hadiths faibles. Et il va te dire que telle et telle chose, ça se fait. Alors que c'est des bid'a, des innovations. Et toi, tu lui dis, le prophète a dit telle chose ou fait telle chose, il va dire, c'est pas vrai. La sunna, il ne la connaît pas. Alors qu'il a étudié 10 ou 15 ans, je ne sais pas où. L'Azhar ou la Sorbonne ou là, je ne sais pas où. Mais vide, vide, vide. Naam. Tayyib. Il a dit, وَهَٰؤُلَاءِ هُمْ أُولُو الْأَمْرِ حَقِيقَةً. Il a dit, et ceux-là, les savants dont on vient de parler, qui ont les qualités que je viens de citer, il a dit, ceux-là, ce sont vraiment, naam, ce sont vraiment, yani, ceux qui commandent les musulmans. Ce sont vraiment eux, ce sont vraiment le responsable, naam. Pourquoi les ennahaoula l'amma, l'umara, parce que ceux-là, ces savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils côtoient, yani, l'ensemble de la communauté, ils côtoient les gens, ils côtoient les gens, ils les écoutent, ils les entendent ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et en même temps, ils se rencontrent, naam, ils ont des rencontres avec qui? Avec les gouverneurs. Donc, et ils montrent aux gouverneurs ce que veulent les gens, naam, et que ce que vous faites par exemple là, c'est faux, et qu'on devrait faire telle et telle chose. Et ils font des nasiha à qui? Au gouverneur. Donc, ce sont les savants. Deuxièmement, c'est qui? C'est les gouverneurs. Non, rentre aussi dans les responsables. Dans les responsables, rentre qui? Entre les savants et rentre les gouverneurs. Non. Il a dit, c'est les gouverneurs. Et ce sont les responsables qui quoi? Qui exécutent la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, العلماء مبينون والأمراء منفذون. C'est pour ça qu'on va dire quoi? On va dire les savants montrent et expliquent. Et les gouverneurs, qu'est-ce qu'ils font? Exécutent. Le gouverneur, est-ce qu'il est obligé de connaître le dîn? Normalement, il doit le connaître parce qu'il gouverne. Mais il se peut qu'il ne connaisse pas. Il se peut, par exemple, que c'est l'armée qui l'a mis dans cette place, dans ce statut. C'est pas toi qui l'as mis, c'est pas le peuple, peut-être c'est l'armée. Donc il est possible qu'ils ne connaissent rien du dîn. Donc, alhamdoulilah, si Allah Ta'ala lui veut du bien à cette personne, elle sera entourée par qui? Par des savants. Des savants, des vrais, rabbaniyoun, ulama'u, yani, al-millah. Pas les savants de l'État, ni les savants de la Ummah. Les savants, al-millah, na'am. Si c'est comme ça, même s'il ne connaît pas le dîn, mais au moins eux, ils lui montrent. Ils lui montrent. Et ils l'aident. Donc, on a vu que les responsables, c'est ce qui est en islam. Les commandeurs, c'est qui? C'est les savants. Et c'est aussi qui? Et c'est aussi les gouverneurs. Maintenant, comment va se faire la nasiha aux savants? La sincérité envers les savants et la nasiha aux savants, comment elle va se faire? Il a dit. Il y a trois choses, quatre choses, cinq choses. Cinq choses. Si les cinq choses que je vais citer, tu les appliques, ça veut dire que vraiment, tu as obéi au messager d'Allah quand il a dit qu'il fallait faire la nasiha aux savants et qu'il fallait être sincère avec eux. Premièrement, mahabbatuhum, li'annaka idha lam tuhib ahadan, fa'innaka lan tata'assa bihim. Premièrement, il faut aimer les savants. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, jamais tu ne le prendras comme modèle ni le suivras. Vous avez remarqué? Si jamais tu n'aimes pas une personne, est-ce qu'il est possible alors que tu la prennes comme modèle? Ce n'est pas possible. Pour prendre quelqu'un comme modèle, il faut que je l'aime. C'est pour ça, vous voyez, ceux qui prennent comme modèle les grands chanteurs, etc., pourquoi ils les prennent comme modèle? Parce qu'ils les aiment. S'il les détestait, jamais il ne les aurait pris comme modèle. Au point où il les aime, au point où il les imite aveuglément. S'il a rasé yani ses cheveux, il rase ses cheveux comme lui. S'il a rasé ses sourcils, il rase ses sourcils. S'il fait le piercing dans le nez, il va faire le piercing sur le nez comme lui. Naam. S'il. Tout ce qu'il fait, il va faire comme lui. Si c'est un homme, il va mettre une jupe, il va mettre une jupe comme lui. Non, c'est ça, il y a une limitation, il y a une comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'il a aimé cette personne au point où, khlas, il confond entre lui-même et cette personne. Donc, si quelqu'un n'aime pas les savants, quelqu'un n'aime pas les savants, alors, comment va-t-il les suivre? C'est pour ça que vous remarquez, les takfiriyin, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils essayent de couper les liens et les ponts entre les savants et les gens de la masse. Les tkfirin, quand ils commencent à faire leur da'wah, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent par parler sur les savants. Il te dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, yani, il ne montrait pas la vérité. Cheikh Ibn Baz, Allah yarhamouh, c'est un aveugle. Et quelqu'un aveugle, il ne sait pas ce qui se passe. Et Cheikh Foulan, c'est un peureux. Et Cheikh Rabi', c'est quelqu'un yani, qui est très nerveux. Et Cheikh Kada, il va te jeter ça dans ton cœur. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les détester. Tu vas dire, ah bon, hein, Cheikh Ibn Uthaymeen ne montre pas la vérité. Hein. Non, Cheikh Fawzan, il travaille avec le gouverneur, hein. Il lui donne de l'argent, etc. Et Cheikh Kada, tu vas les détester. Si tu vas les détester, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu ne vas jamais prendre deux une chose. On va te dire, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, tu vas dire, c'est qui Cheikh Ibn Uthaymeen? C'est pas mes références. J'ai mes références, moi. Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est quelqu'un comme nous qui se trompe. Il peut dire la vérité, il peut dire une chose vraie, il peut se tromper. C'est un être humain comme nous. Voilà, ça veut dire, classe, tu ne donnes plus d'importance aux savants, et voire même, tu vas quoi? Tu vas les détester, les haïr. Et maintenant, si tu as haï les savants, et qu'il n'y a plus de savants, ça va se passer comme dans le hadith du messager d'Allah, où il est dit à la fin, et alors les gens vont prendre des têtes de Johel, des têtes d'ignorants, et vont les prendre à la place des savants, et vont leur poser des questions, et ces têtes de Johel vont quoi? Vont s'égarer eux-mêmes et égarer les gens. Non. Tu vas maintenant chez Salah 19 ou chez Abu Rumaysa, il te dit, Cheikh Ibn Uthaymeen n'est pas un savant. C'est qui? Cheikh Ibn Baz. Il ne connaît rien, Cheikh Ibn Baz. C'est un aveugle, etc. Donc c'est qui le savant? Ça veut dire c'est moi le savant. Et il va t'ouvrir comme ça, yani, un petit salon, et il va te faire la dawa, il va te dire, écoutez-moi et posez-moi des questions, je vous réponds. Comme ça, yani, sans connaître la personne. Qui, d'où elle est venue, quel âge qu'elle a, c'est qui cette personne? Non, ça n'a pas besoin, ni de ce qu'il y a, ni rien. Non, je m'assois, personne ne me connaît derrière un PC, je donne un pseudo que je veux, Abu Omar, Abu Ali, Abu Islam, Abu Kada, et je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux, non. Al-Muhim, le messager d'Allah a dit dans un hadith qui est bon et qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Cheikh al-Albani, sous le numéro 5443. Écoutez bien ce qu'a dit le messager d'Allah, alayhi sallam, dans le livre de Cheikh al-Albani, Sahih al-Jama', avec un isnad bon, chaîne de transmission bonne, numéro 5443. Qu'est-ce qu'il a dit? Laysa minna, le messager a dit, n'est pas des nôtres. Règle générale, quand le messager d'Allah dit, n'est pas des nôtres, en citant une personne, attention ici, il y a deux sortes de gens qui vont se tromper. Il y a les takfiriyoun qui vont dire n'est pas de nous, donc il est kafir. Et il y a les murji'a qui vont dire n'est pas de nous, ça veut dire que seulement il n'a pas fait quelque chose de recommandable. Et on dit les deux, on dit faux. Al-Sunna disent si le messager d'Allah dit dans un hadith n'est pas de nous, telle personne, ça veut dire que telle personne a fait un grand péché. Ou bien en délaissant une chose obligatoire, ou bien en faisant une chose de haram. Taïb, Laysa minna n'est pas de nous. Qui n'est pas des nôtres? Man lam yujil kabirana. Quiconque, yani, ne respecte pas nos vieux et nos vieillards. Hein? S'il y a quelqu'un qui est devenu vieux, qui a un certain âge, et tu ne le respectes pas, même s'il n'a pas, yani, il est faible dans le dîn, il est faible, il ne connaît pas la sunna, il ne connaît rien, c'est un musulman, khlas, et tu ne le respectes pas, le messager d'Allah a dit quoi? Que tu n'étais pas des nôtres, c'est-à-dire des siens. Naam. Et qui encore n'est pas des nôtres? Man lam yarham saghirana. Celui qui n'est pas miséricordieux avec nos petits, c'est-à-dire avec nos enfants. Naam, avec nos enfants. C'est pour ça que le messager d'Allah, une fois, naam, il y avait une personne qui était rentrée chez lui, et ensuite est rentré le Hassan ou bien le Hussein, et il l'a embrassé. Ensuite, cette personne s'est étonnée. Il a dit au messager d'Allah, Wallah ya Rasulallah, j'ai 10 enfants, jamais de ma vie, je n'en ai embrassé un. J'ai 10 enfants, jamais je n'en ai embrassé un. Qu'a dit le messager de l'Allah? Il a dit, Awa amliku shay'an, in kana Allahu naza'a al-rahmata min qalbik. Il a dit, est-ce que moi je peux faire quelque chose si Allah Ta'ala t'a enlevé la miséricorde de ton cœur? Et il a dit dans une autre version, Quiconque n'est pas miséricordieux, yani, le jour de Qiyama, yani, Allah Ta'ala ne sera pas miséricordieux avec lui. Et troisièmement, n'est pas des nôtres aussi qui, celui qui ne respecte pas nos vieux, celui qui n'est pas miséricordieux avec nos enfants, nos petits, et celui, ومن, yani, لم يعرف لعالمنا حقه, et celui qui ne reconnaît pas le droit de nos savants. Celui qui ne reconnaît pas le droit et les droits des savants. Ils disent, ce ne sont pas des savants, et ce sont ceux-ci, ce sont ceux-là. Ceux-là, le messager de l'a dit, ne sont pas des nôtres. Et quand le messager de l'a dit, ne sont pas des nôtres, ça veut dire quoi? Il a fait un grand péché. Il a fait un grand péché. Donc vous avez, Inch'Allah, appris la règle et vous l'avez notée. Parce que vous allez rencontrer beaucoup de hadiths où le messager de l'a dit n'est pas des nôtres. Men rachena et samina. N'est pas des nôtres celui qui nous dupe. Men rafa n'est pas des nôtres celui qui yani, prend les armes contre nous. Et beaucoup de hadiths. Donc là, il ne faut pas vous tromper. Ni dire comme les khawarij et les takfiri qui vont dire n'est pas des nôtres. Donc il est kafir. Classe, il n'est pas du messager. Il n'est pas des musulmans. Il n'est pas des nôtres. Donc il est quoi? Il est kafir. On lui dit non, tu es trompé. Tu expliques de ta tête, toi. Ni comme ceux, yani, au sens opposé, les mourjites, qui disent quoi? Ils disent n'est pas des nôtres, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'a pas fait quelque chose de mustahab, de recommandable. Si on lui dit non, il est impossible que le messager d'Allah dise tu n'es pas des nôtres pour avoir fait seulement quelque chose, yani, de makruh. Ou là pour avoir délaissé seulement quelque chose de recommandable. Non. S'il dit tu n'es pas des nôtres, ça veut dire qu'il s'est vraiment énervé contre toi et tu lui as fait quelque chose de grave. Ou bien tu n'as pas fait quelque chose d'obligatoire. Ou bien tu as fait quelque chose de quoi? De vraiment haram. C'est pour ça qu'il a dit n'est pas des nôtres. Donc je reprends le hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? N'est pas des nôtres celui qui, yani, ne respecte pas nos vieillards. Celui qui n'est pas miséricordieux avec nos enfants et celui qui ne reconnaît pas le statut et les droits de nos savants. Donc tout ça, c'est premièrement, on doit aimer les savants. Deuxièmement, ma'ounatuhum wa musa'adatuhum fi bayan al-haq. Fatanshur kutubahum bil wasa'il al-i'lamiyyah al-mutanawi'ati allati takhtalifu fi kulli zaman wa makan. Deuxièmement, on doit les aider. Naam, et on les aide à quoi? À propager le haq, à propager le din. Propager la sunna, à propager la science. Naam. En faisant quoi? Eh bien, c'est simple. Alors, tu vas imprimer leurs livres. Tu vas propager les doros que tu as. Naam. Tu as une cassette de tel savant, par exemple, qui parle de la aqida, qui parle de la sunna, qui parle de ceci, qui parle de ahkam siyam, qui parle du zawaju. Naam. Tu fais des photocopies, 10, 20, 30, et non, tu la donnes aux gens. Écoute ce das. Écoute ce das. C'est pas tu vends. Tu donnes fils à Billah. Non. Comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as, dans ta vie, tu as yani, propagé yani, l'islam. Non, tu as été la cause de la propagande de ce din, ce sublime din qu'Allah Ta'ala a fait descendre, de cette sunna, de cette belle sunna du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ne dis jamais. Oh, cette personne, je lui ai donné une fois un livre, là, ça ne donne rien. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Donne et non, fais des doigts que Allah Ta'ala yani, accepte, c'est tout. Pourquoi? Parce que si la personne à laquelle tu as donné un livre ou là, une cassette, si elle a lu ou là, elle a écouté et, alhamdoulilah, elle a commencé à appliquer, tu as, masha'Allah, comme hasanat. Pourquoi? Tu as été la cause de sa guidée. Mais si la personne n'a ni voulu lire le livre, ni écouter la cassette, elle est toujours dans son chemin dévié. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu as toujours des hasanat. Pourquoi? Pour avoir fait yani, la da'wah à cette personne, même si elle n'a pas répondu. Car le fait qu'elle réponde ou pas, ce n'est pas de ton ressort. C'est Allah Ta'ala qui détient les cœurs, c'est lui qui guide qui il veut, quand il veut. Quand il ne veut pas guider, il ne guide pas. Toi, fais seulement ton travail. Fais seulement ton travail, bi'idhnillah subhanahu wa azzawajal. Naam. Comme ça fait 2 ou 3 jours, une personne m'a raconté, il y en a yani, des histoires pareilles qui ne se terminent pas. 2 ou 3 jours, une personne m'a dit une fois, quelqu'un, c'est un kafir, bien sûr, un Italien, d'origine italienne. Il m'a dit, c'est lui qui a raconté à cette personne. Il lui a dit, tu sais comment je suis rentré en islam? Il lui a dit, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a donné un livre comme ça qui parle d'islam, etc. Il l'a dit quand il me l'a donné, bien sûr, j'ai eu honte de ne pas lui dire chaque cette fois. Il a dit, j'ai accepté et je l'ai carrément jeté dans l'armoire. Il a dit, il est resté, je ne sais pas combien de mois là-bas. Il a dit une fois, au point de l'avoir oublié. Il a dit, j'ai oublié qu'il m'a donné ce livre. Il a dit, une fois, j'étais seul dans la maison, je m'ennuyais, je n'avais rien à faire. Bien sûr, j'ai ouvert l'armoire, le tiroir. Il a dit, j'ai vu ce livre. Ah, il est toujours là, c'est ce livre, je ne l'ai pas jeté. Il a dit, j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à lire, et c'était bien sûr le quoi, le premier pas de la guider. Et juste après, je ne sais pas quel jour ou là, il est rentré en islam. Regarde, juste un livre, tu as donné un livre à quelqu'un, et tu as été la cause de la guider d'une personne. Quand Allah Ta'ala veut guider une personne, il lui fait quoi? Il lui fait un sebeb, une cause. Une cause. Il s'ennuie, il n'a rien à voir. Qu'est-ce que je vais faire? Attends. J'ouvre l'armoire pour voir, je ne sais pas, où est mon paquet de cigarettes ou là, et il trouve le livre. Et il va l'ouvrir et il y a quelque chose qui va frapper directement dans son cœur. Et Allah Ta'ala va lui ouvrir son cœur et ses yeux. Le thalith rentre dans la nasiha des savants. الذب عن أعراضهم وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل. Troisièmement, si vraiment tu aimes les savants, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les défendre. Les défendre, quand tu entends parler d'eux, quand tu entends parler d'eux, de leur famille, tu dois les défendre. Et si jamais tu entends que on a dit sur tel et tel savant très connu des choses qui ne sont pas bien, des choses qui ne te plaisent pas, il a dit, tu dois suivre alors trois étapes. Regarde, en islam, comment qu'on fait? Quand on entend une mauvaise chose sur un savant, qu'est-ce qu'on fait? On doit suivre trois étapes. Et ce n'est pas, j'entends une chose sur un savant, une chose qui ne me plaît pas, classe, je vais la croire et je vais critiquer le savant et je vais dire celui-là, c'est pas un savant, c'est un habit. Et c'est confond les takfiriyon. Confond les takfiriyon. Mais si j'entends quelque chose de pas bien sur un savant, qu'est-ce que je fais? Je dois suivre les trois étapes qui vont venir. La première, tu dois d'abord chercher pour que tu sois sûr que ce savant ait vraiment dit cette chose. Non. On t'a dit que Cheikh Ibn Othaymine dit que, par exemple, les Yahoud, ce sont nos frères. C'est un exemple. Et A'oudou Billah, que Cheikh Ibn Othaymine dit cette chose. C'est un exemple, c'est tout pour que vous compreniez. Quand quelqu'un me dit, Cheikh Ibn Othaymine a dit que les Juifs sont nos frères, ou la Netanyahou, c'est mon frère, qu'est-ce que je fais? Au lieu de critiquer Cheikh Ibn Othaymine, et de dire, c'est pas un savant, c'est un salopard, c'est ceci, c'est cela, c'est un kafir, qu'est-ce que je fais? Première marhala, première étape, il faut que je cherche où a été dit cette chose. Quelle est la preuve que Cheikh Ibn Othaymine a dit cette phrase? Donnez-moi une vidéo où je vois Cheikh Ibn Othaymine en train de dire cette phrase. Donnez-moi une cassette où je l'entends, mais encore. Peut-être que ses ennemis l'ont imité dans sa voix. Mais Malik, donnez-moi la cassette que j'entende. Donnez-moi le livre, le tome, la page et la ligne où Cheikh Ibn Othaymine a dit cette chose. Il a dit, voilà la première étape que quelqu'un qui est sincère avec Allah Ta'ala doit faire. Naam. فَكَمْ مِنْ أَشْيَاءَ نُسِبَتْ إِلَى عَلِمٍ وَيَكَذِبُ. Oh, il a dit, combien de choses. Naam. Ont été prétendus sur tel savant qu'il a dit telle et telle chose, alors que jamais ce savant n'a dit une chose. Si on commençait à compter, on écrit des livres, des tomes et des tomes, que Cheikh l'Islam a dit telle chose, Ibn al-Qayyim a dit telle chose, Cheikh Fouzan a dit telle chose, Cheikh al-Maqdisi a dit telle chose, et alors que jamais, jamais, jamais ils n'ont dit cette chose. Des milliers de choses, des millions. On pourrait écrire des tomes. Que X et Y a dit cette chose alors qu'il l'a jamais dite. Toi, qui es en train de m'entendre, combien de fois on a dit sur toi des choses que tu n'as pas dites? Toi, tu es en train de m'entendre maintenant. Non. Hier, là, ça fait 2 jours, ça fait une semaine, ça fait un mois, on a dit que tu as dit telle chose alors que tu ne l'as jamais dite. Qu'en est-il un savant? Non. Il a dit, c'est pour ça que tu dois d'abord, Yanni, chercher, faire des recherches pour voir est-ce que vraiment ce savant a dit cette chose dont on l'accuse. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si tu trouves que vraiment ce savant a dit cette chose, vraiment ce savant a dit cette chose, je l'ai entendu de mes yeux, de mes oreilles, on m'a ramené la cassette, on m'a ramené le livre, j'ai lu, le savant a dit cette chose. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais passer à la seconde étape. Je vais passer à la seconde étape. C'est quoi la seconde étape? Deuxième étape, c'est de méditer sur même, cette parole. Est-ce que vraiment cette parole est yani, quelque chose yani, de mal? Est-ce qu'il a vraiment dit quelque chose de mal? Est-ce que vraiment cette parole est une parole critiquable? Est-ce que cette parole est vraiment yani, ne marche pas avec le Coran et la Sunna? Non, il faut bien méditer. Pourquoi? وعند التأمل يرى أنه حق فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أم لا. Il a dit pourquoi? Pourquoi on doit faire comme ça, méditer? Il a dit parce que il est possible qu'à première vue et à première entendement, quand tu entends une chose, elle te paraisse qu'elle n'est pas conforme avec le Coran et la Sunna. Mais qu'après avoir médité, ou bien comparé, ou bien demandé aux autres savants, tu vas trouver que ce que le savant a dit ici, c'est exactement la vérité. C'est ce que dit l'islam. C'est ce qu'a dit le messager d'Allah. Il y a même un verset dessus. Il y a même un hadith authentique. Subhanallah, tu vois, alors que toi, tu avais cru que cette chose, c'était vraiment une chose détestée par Allah et par son prophète. Non. Si je donnais seulement un exemple, par exemple, un exemple très simple, je ne sais pas que. Par exemple, si jamais on va te dire, tu sais, tel savant, par exemple, je donne un exemple, par exemple, je ne sais pas qui, disons, Cheikh Ibn Othaymin, il a dit que dans son livre, Sharh Muntah, il a dit que un musulman pouvait se marier avec une juive. Ah, une juive, hein? La fille de Netanyahou, la juive, un musulman peut se marier avec elle. Subhanallah, il est fou celui-là, Cheikh Ibn Othaymin. Il est malade, qu'est-ce qu'il a celui-là? Non, c'est un takfiri qui t'a dit comme ça, ou un djehel ou là, toi aussi tu es djehel, mais après avoir médité, après avoir demandé les savants, tu trouves que, subhanallah, le verset est clair, le verset est clair, où il est dit qu'Allah Ta'ala a permis aux musulmans de se marier avec la chrétienne et de se marier avec la juive, à condition qu'elle ne soit pas yani, une fille de rue, et que la deuxième condition, qu'elle soit pas une esclave. Non, Allah Ta'ala l'a permis. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran qu'il est permis aux musulmans de se marier avec la chrétienne, de se marier avec la juive, avec les conditions que j'ai citées. Donc, il n'y a pas lieu de critiquer le savant. Si on doit critiquer quelqu'un, on doit nous critiquer nous-mêmes, qui sommes des djohels, qui n'avons pas appris le dîn. C'est pour ça qu'on croit que la chose est fausse. Ensuite, maintenant, ça me rappelle, par exemple. Ça me rappelle par exemple lorsque Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal, lui donne sa miséricorde, lorsqu'il a dit, certes, il y a je ne sais pas combien d'années, les Palestiniens étaient vraiment, vraiment dans la terreur, terrorisés par les Juifs, etc. Il a dit que, par exemple, il serait bien de notre temps de faire un pacte. De faire un pacte ou bien une trêve, ce qu'on appelle une trêve, de faire une trêve avec eux, avec les juifs. Et certains hommes, et beaucoup de musulmans, qui ont entendu cette chose, ont critiqué Cheikh Al-Albani, c'est un fou, Cheikh Al-Albani, c'est un juif, Cheikh Al-Albani, c'est un. Peut-être même qu'ils ont dit de lui, c'est un kafir, sûrement, les takfiris ont dû dire ça. Alors que, Si tu méditais, subhanallah azim, tu méditais cette chose, ou cet avis, tu trouverais que le messager d'Allah, lui-même, a fait la trêve avec les kuffars. Il n'a pas fait 10 ans de trêve avec les kuffars, le pacte de l'Hudaybiyah. Le messager d'Allah n'a pas fait combien de fois la trêve avec les juifs, hein? Avec les juifs. Il n'a pas fait la trêve combien de fois? Subhanallah. Donc les gens, des fois, ils sont tellement ignorants que lorsqu'ils entendent des choses yani, du Coran et de la Sunna, yani, ils ne savent pas que c'est du Coran et de la Sunna. Tellement pourquoi? Tellement ils sont ignorants. Tellement ils suivent leur passion. Subhanallah. Al-Mahalat. Attendez une seconde, on ouvre le bab. Donc, je résume, inshallah ta'ala, je dis envers les savants, non, je disais envers les savants, non, premièrement, non, on devait les aimer, deuxièmement, on devait les aider, troisièmement, on devait les défendre, non, et que, si on a entendu quelque chose sur les savants, premièrement, on essaie d'avoir la conviction que c'est vrai. Deuxièmement, si c'est vrai, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par méditer. Méditer, peut-être que la chose qui nous paraît critiquable, peut-être qu'elle n'est pas critiquable. Attendez, on va bien méditer et demander l'avis des autres savants. Troisièmement, troisième étape, maintenant, j'ai médité et j'ai trouvé par exemple que ce qu'a dit le cheikh, ce n'est pas critiquable. Au contraire. C'est vraiment ça, le Coran et la Sunna. Dans ce cas, donc dans ce cas, tu dois le défendre. Et tu dois propager cette vérité entre les gens. Et dire non, le messager de Allah lui-même a fait la trêve avec les kuffars. Il a fait la trêve avec les yéhoud. Non, il a fait. Donc ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, c'est vrai. C'est ça la Sunna. Quand je suis faible, je fais la trêve avec les gens. Jusqu'à ce que je me fortifie. Le messager d'Allah n'est-il pas resté 13 ans à la Mecque? Comment il était fort ou faible à la Mecque? Il était très faible. Il voyait les gens en train de tourner, d'adorer les statues et il se taisait. Pourquoi? Il ne peut pas. Mais après, quand il est devenu fort, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est rentré à la Mecque, il l'a libéré. Il a commencé par casser les statues. Al-Muhim, al-Marhalatu Rabi'a, quatrième étape. Non, c'est pas. Non, marhatu rabi'a, quatrième étape. إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب للعالم وصحت نسبته إليه ليس بحق maintenant quatrième étape tu as bien médité sur ce qu'on prétend que le savant a dit et il t'est apparu que ce qu'il a dit c'est vraiment faux il t'est apparu que ce qu'il a dit il est vraiment c'est critiquable et c'est à l'encontre de du kitab ou sunna. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, la première chose que tu dois faire, c'est d'essayer de contacter ce savant et de lui parler avec adab, avec un bon comportement. Tu lui dis, tu lui téléphones par exemple, les cheikhs, Hayakumullah, comment allez-vous? De la famille. J'ai entendu, on m'a dit que vous dites telle et telle chose, tel et tel propos. Et je voudrais, si c'est vrai, que vous me montriez d'où vous détenez cela. Quels sont les dalils qui vous poussent à dire telle chose. Parce que vous êtes plus savant que moi. Naam. فَإِذَا بَيَّنَ لَكَ هَذَا فَلَكَ حَقُّ الْمُنَاقَشَةِ. Maintenant, après t'avoir montré, après que le savant t'ait montré d'où il détient ces choses qu'il a dites, quels sont ses dalils, tu as le droit, il a dit, cher, tu as le droit de faire un débat avec lui. لَكِنْ بِأَدَبْ وَتَعْظِيمٍ لَهُ. Mais avec un bon comportement et en même temps, naam, en reconnaissant sa grandeur, la grandeur du savant. Bihasbi makanatihi ou bihasbi mayaliqu bihi. Naam, d'après son statut. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un savant. Amma ma yaf'aluhu ba'du al-jahalati. Quant à ce que font les ignorants et les ignares, الذين يأتون إلى العالم, ceux qui vont voir le savant, الذي رأى بخلاف ما يرون, voir le savant parce que il a dit une chose qui va à l'encontre de ce qu'ils disent eux. يأتون إليه بعنف وشدة, ils vont partir, يعني lui parler avec quoi? Avec عنف, avec violence, شدة, نعم, violence. وربما نفضوا ايديهم في وجه العالم وقالوا له ما هذا القول الذي احدثته, ربما il a, et peut-être que même ils vont lever leurs mains sur son visage, يعني presque vouloir يعني lui donner une gifle ou le frapper, et vont lui dire qu'est-ce que c'est cette parole que tu viens de dire, c'est quoi cette fatwa, c'est quoi ce que tu viens de dire là, ma hadha al-qawl al-munkar, c'est quoi cette parole critiquable, wa anta la takhaf Allah, hein, tu dis ça et tu n'as pas peur d'Allah azza wa jalla. Il a dit, وبعد التأمل تجد العالم موافق للحديث. Et après méditation, tu trouves quoi? Que c'est le savant qui a dit juste. Naam. Et ce qu'il a dit est conforme au quoi? Au Coran et à la Sunna. Il a dit, وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم. Pourquoi il arrive comme ça à ces gens-là? Yani de critiquer les savants, etc., sans science. Il a dit pourquoi? Il a dit la plupart du temps, ça vient de l'auto-admiration. Les gens qui s'auto-admirent. Naam, la prétention vis-à-vis de soi-même. Quand tu crois que khlas, tu détiens la science, quand tu crois que tu es un savant, quand tu crois que khlas, tu as atteint un rang supérieur dans la science. Alors, tout ce que les gens disent, tu crois qu'ils se sont trompés. وَظَنُّهُمْ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُنَّةِ. Surtout si le shaitan va te dire, c'est vraiment toi qui suis أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Naam. Et que tu es à la tariq salaf, tu es vraiment dans tariq salaf, alors qu'il a dit, Cheikh Larmou, وَهُمْ أَبْعَدْ مَا يَكُونَ عَنْ تَارِقْ السَّلَفْ وَعَنْ السُنَّةِ. Il a dit, alors que vraiment, et en vérité, ils sont vraiment loin, loin du, yani de tariq salaf ou tariq sunnah. Maintenant, ça me rappelle une chose, Ali, ça me rappelle une chose, Allah, il y a seulement peut-être un mois, peut-être, hein, une sœur m'a écrit une lettre où elle me dit, Cher, hein, yani je résume comme ça, que comme quoi elle a dit, j'ai entendu des gens dire des choses de vous, des choses, yani comme quoi vous aurez dit telle et telle chose, etc. Et même au point où j'ai dit à ces gens, Taqullah, et je leur ai cité un verset sur le nord, Kadamne. Et ensuite, bien sûr, cette sœur, quand elle a écrit, il y a une lettre pleine de quoi? Pleine de yani, politesse, pleine de bons comportements. Et cher, on voudrait savoir quels sont, Inch'Allah, est-ce que vraiment vous avez dit ça? Si oui, quels sont vos délits? Comme ça, on montre aux gens ce que vous avez dit, etc. Chauffe. Remarquez, la personne n'a pas cru ce que les gens ont dit. Et a même défendu, sans même connaître si j'ai dit ou j'ai pas dit. Elle a défendu, elle a dit Taqullah. Naam. Ensuite, elle a envoyé une lettre, elle a posé ses questions. Je lui ai répondu, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Sûrement qu'elle a aussi, elle a montré ce que j'ai écrit. Mais cette personne-là a fait vraiment comme font les salafs et a fait vraiment comme yani Allah Ta'ala et son prophète nous ont dit et les savants nous ont dit de faire. Elle aurait pu yani entendre les autres et dire c'est vrai. Ah bon, il a dit comme ça. Alors c'est un fou. Alors c'est un, je ne sais pas, c'est un fesser, c'est un pervers. Ou alors c'est un kafir. Ou alors c'est un ignorant. Non. Mais, yani, elle a d'abord essayé de comprendre, savoir si c'est vrai, quels sont les délits, et comme ça. Non. Il a dit, fait l'insane, ida, u'jiba bi nafsi, nis'Allah salama, ra'ari lahu kadhar, fahdar hada. Il a dit, quand une personne, non, s'auto-admire, s'auto-admire, elle s'admire, classe, elle s'adore, au point de s'adorer. Il a dit, si jamais une personne commence à s'admirer soi-même, elle-même, il a dit, elle va voir les autres personnes qui l'entourent, vont lui apparaître comme des fourmis. Fahdar hada, il a dit, attention à ça, c'est vrai, voilà, si une personne, un Iblis, le maudit, va l'enfler, et lui dire, classe, tu es un savant, tu es ceci, et toutes les autres personnes vont, yani, il va les voir comme si c'était des fourmis, yani, qui l'écraseraient sous ses pieds. Non. Et il a dit la quatrième chose qui rentre dans quoi? Dans Nasiha au savant, toujours. Annaka idha ra'aita minhum khata'an fala taskut wa taqul hadha a'lamu minni. Regardez, c'est très important ce qu'il dit ici. Il a dit, si jamais tu vois, bien tu pressens que ils ont dit, par exemple, une chose de faux. Une chose qui n'est pas conforme, par exemple, au Coran et à la Sunna. Par exemple, il a dit, ne te tais pas. Et tu dis, celui-là, c'est un savant. Il sait mieux que moi. Donc je me tais. Je ne dis pas un mot. Je ne souffre pas un mot. Il a dit non. Bel ton naqish. Mais au contraire. Yani, tu quoi? Yani, tu demandes et tu fais un petit débat. Un petit débat bi-adab avec quoi? Avec une grande politesse et un bon comportement. Naam. لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فينتبه وهذا من نصح العلماء. Il a dit parce que des fois le savant, il se peut qu'il dise une chose et qu'il se trompe. Ou il pensait à autre chose. Ou il était distrait. Imaginez, je vous donne un exemple. Maintenant, moi, je suis en train de parler avec vous. Maintenant, je suis en train de parler. Ensuite, par exemple, je vous dis, par exemple, le Jannah, la Jannah, je vous dis, par exemple, que elle a cinq portes. Elle a cinq portes. Vous tous, vous savez que le paradis a huit portes. Et que l'enfer en a sept. Dans le hadith authentique, quand quelqu'un termine wudu, il dit Shadoun Abdurrasulou, les huit portes du paradis s'ouvrent. Imaginez, je vous dise, le paradis a cinq portes. Vous n'allez pas dire celui-là, il connaît mieux que nous, il fait des doros, il a des cinq, donc c'est cinq. Non, là, tu passes, tu dis, eh, cher, Baraklavik, vous avez dit que le paradis avait cinq portes. Moi, je connais le hadith, il dit il y a huit portes. Ah, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le cheikh va dire, ah, Baraklaufik, vous êtes sûr que j'ai dit cinq portes? Non, vous avez dit cinq portes. Mais là, je me suis trompé. Ce n'est pas cinq portes, c'est huit portes. Non, je sais que c'est huit et sans le vouloir, j'ai dit cinq. Alors, je pensais à autre chose. Non, et comme ça. Il a dit, mais avec bon comportement. Avec bon comportement. Tu dis pas, ya cher, taqillah, taqillah, ya cher, taqillah. Là, tu dis cinq portes, mec, tu es devenu fou, tu as mangé des aubergines, cher. Tu dis cinq, toi, c'est pas comme ça. Non, avec Hikma, cher, vous êtes sûr, vous avez dit ça, vous avez dit cinq portes, je suis sûr qu'il y a cinq, et l'autre il va se corriger. Non, Al-Khamis, cinquièmement, comment tu dois te comporter avec les savants, cinquièmement, Antadullahum. Justement, ça me rappelle une chose, subhanallah, ça me rappelle au point où Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, si vous allez, vous avez lu son livre qui s'appelle Adab, attendez, Talib Hidyat, attendez, j'ai oublié son nom, c'est un livre qu'a écrit, Allah yirhamo, qu'a écrit Bakr Abou Zayd, naam, qui s'appelle Hidyat Talib al-Ilm, naam. Et Cheikh Ibn Uthaymeen l'a expliqué. Dans son explication à l'intérieur, dans un de ses chapitres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit même, Naam, il dit même quand on parle avec un savant, par exemple, on lui dit, par exemple, on veut lui dire que, par exemple, hier, vous avez dit telle et telle chose. Naam. Il a dit, on ne lui dit pas comme ça. Il a dit, si on veut lui dire une chose pareille, on lui dit, hier, nous avons dit telle et telle chose. Pourquoi? Il a dit ça rentre dans l'impolitesse. Alors que c'est le shirk qui a parlé. Mais on a tous la responsabilité. Lui, il a parlé, toi, tu as entendu. Donc tu dis hier, nous avons dit telle et telle chose. Et c'est pas, bien shirk, tu as dit telle et telle chose. Même ça, vous trouverez dans je vous ai, le livre que je vous ai dit maintenant. Il a dit, Al-Amr al-Khamis, cinquièmement, l'âme, Antadullahum ala khayri ma yakunu fi da'wati nas. Tu dois montrer à ces savants, si tu as un contact avec eux, nam, tout le bien qu'il y a dans la da'wa des gens. Exemple, il a dit exemple. Fa'idara aïta hadal alim, nam, muhibban li nashri l'ilmi, wa yatakallamu fi kulli makan, wa tara an-nas yatathaqalunahu, wa yaquluna hadha athqal alayna. Kullama jalasna qama yuhaddith. Fa min an-nasihati li hadal alim, أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. نعم. Regardez ici, c'est très important. Il a dit, ça rentre dans les conseils et l'amour des savants que si jamais, par exemple, tu sens que ce cheikh, par exemple, tu le connais, il aime beaucoup parler dans le din. Et dans chaque assise, là où il s'assoit, il commence à dire, Allah Ta'ala a dit, le messager a dit, les savants ont dit. Ensuite, tu as remarqué que les gens ont parlé de lui. Ils ont dit, celui-là, c'est trop. Là où il s'assoit, il commence, c'est trop. Un peu, chouïa, quand même. Il a dit, si vraiment ici tu aimes le cheikh, tu aimes le savant, tu dois lui faire une nasiha. Tu lui dis, cheikh, je voudrais vous faire une petite remarque, c'est tout. C'est quoi? Regardez ce que disent les gens. C'est pour ça que je vous donne une nasiha, yani, entre nous, yani, avec par exemple tel et tel gens, ne parlez pas, yani, beaucoup de dîn. Changez un peu de sujet pour qu'ils ne disent pas que celui-là, yani, il ne parle que de dîn, etc. Et ça va être une cause pour les faire fuir. Pour les faire fuir. Il a dit, il ne dit pas, ne dit pas, oh, je ne suis pas fou. Si je dis comme ça au shir, donc je vais être la cause pour qu'il ne parle pas du din. Vous avez compris? Shaitan est comme ça, il va te dire. Il va dire, tu es fou. Tu vas dire au shir de ne plus parler au din, sur le din. Donc tu vas l'arrêter de parler sur le din. Donc tu es fou. Il a dit, ne dis pas comme ça. Bel hada fil waqi' min hifz al-'ilm. Il a dit, au contraire, quand tu lui dis de, de temps en temps, de changer de sujet, de ne pas parler beaucoup dans le din, ou de ne pas parler beaucoup dans le din avec ce groupe-là, avec cette personne, avec ce couple. Spécialement, il a dit au contraire, ça rentre dans le din. Tu veux préserver le din. Hein, tu veux que ce savant soit toujours aimé. Tu veux que ce savant soit toujours entendu. Donc, toi, tu ne lui dis pas d'arrêter de parler parce que tu n'aimes pas qu'il parle dans le din. Au contraire, tellement tu parles, tellement tu aimes qu'il parle, que tu voudrais que les gens l'aiment toujours. Donc, tu voudrais lui montrer comment faire pour que les gens ne fuient pas de lui. Il a dit, parce que les gens, il a dit, s'ils se lassent, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne voudront plus de ce savant ni de ce qu'il dit. Les gens, d'ailleurs, tous, vous savez que tous, yani, donc on est, nous tous, yani, certaines personnes qui, yani, quand on les rencontre, on ne voudrait pas tarder avec eux. On commence à parler des choses, yani, qui m'en est, yani, on dégoûte d'eux. On ne veut même pas, yani, s'asseoir beaucoup avec eux. Ils vont nous perdre notre temps ou là. Il y a des gens qui sont comme ça. Maintenant, même dans le dîn, il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent et qui ne te donnent même pas le temps de parler d'autres choses, par exemple, pour changer un peu les sujets. Mais, du matin au soir, s'ils t'attrapent, au moins s'ils te parlaient du paradis, de ce qu'il y a dans le paradis, de l'amour d'Allah, ils te parlaient seulement d'eux. Quand tu fais ça c'est haram, ça c'est laïdjouz, ça c'est tu vas rentrer en enfer, ça tu es un pervers, tu es devenu un maudit, tu es ceci, cela, au point où tu dis Audoubillah, Audoubillah, je ne voudrais pas rencontrer cette personne, Wallah, je ne voudrais pas rencontrer cette personne. Il a dit, Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwalu ashabahu bil mawa'idah. Il a dit, c'est pour ça que le messager d'Allah, quand il faisait des prêches à ses compagnons, il le faisait de temps en temps. Il a dit, il ne faisait pas souvent. Il ne faisait pas souvent. Alors que la parole du messager d'Allah, c'est une parole aimée par tout le monde. Est-ce que vous pensez que quelqu'un puisse dire au messager d'Allah, ya Rasulallah, on en a marre, ça suffit, change de sujet. C'est pas possible. Si, est-ce que vous savez qu'il y a un hadith dans Sahih Muslim? Inch'Allah, vous pouvez le chercher là-bas, vous le trouverez. Donc, Sahih Muslim, que dit-il? Il a dit qu'une fois le messager, un compagnon a dit, une fois le messager d'Allah, alayhi nous a guidés dans la prière du Sobh. Qui est prière du Sobh. Quand il a terminé, il est monté sur le mimbar. Et il a commencé à nous faire le prêche jusqu'à ce qu'on ait dit, c'est Salat al-Dhar. Il a descendu, il nous a guidés pour Salat al-Dhar. Ensuite, il est remonté sur le mimbar. Et il a continué son prêche jusqu'à ce qu'on ait dit, c'est Salat al-Asr. Il a descendu, hein, il est descendu, il les a guidés pour Salat al-Asr. Il est remonté sur le mimbar, il a continué son prêche jusqu'à ce qu'on ait dit, c'est Salat al-Maghrib. Il est descendu du mimbar, hein, il les a guidés pour Salat al-Maghrib, et il est remonté sur le mimbar jusqu'à ce qu'on ait dit, c'est Salat al-Isha. Il est descendu. Regardez, deux Salat Subh en train de parler jusqu'à Salat al-Isha. Qu'est-ce qu'il a dû dire ce jour-là? Combien on aurait donné pour assister ce jour-là seulement, un jour dans ta vie, ce jour-là. Rester de Salat al-Subh jusqu'à Salat al-Isha à écouter le messager d'Allah, alayhi sallam, en train de parler. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit, moi, j'en ai marre, ça me suffit, qui a entendu du Subhanallah, 4 heures, ça me suffit. Ou là, quelqu'un a dit, je vais aller manger. Ou là, quelqu'un a dit, je vais m'endormir, je vais faire la sieste. Regardez le messager d'Allah, comment qu'il est aimé, il peut parler de Salat al-Subh sans s'arrêter. Personne ne se lasse de ce qu'il dit. Et malgré cela, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur faisait des prêches seulement de temps en temps. Pourquoi? Le hadith se trouve dans le Bukhari. Hadith, akhraj al-Bukhari, chapitre, la science. Pourquoi donc il faisait seulement de temps en temps? Pour que les gens ne quoi ne se lassent pas. Alors qu'il sait qu'il ne se lasse pas. Mais il suit la nature des gens. Les gens étaient créés comme ça. Les gens n'aiment pas que tu leur parles du matin au soir seulement la même chose. Seulement la même chose. Parle-lui un peu de lui aussi, ce qu'il aime. Ensuite, attire-le doucement, doucement. Tout le monde, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Et ça ne s'est pas passé chez vous, mais si vous étiez ici, vous aurez compris ce qui s'est passé. Ici, en Algérie, il y a un mois ou là, quand il y a eu le match, surtout avec l'Égypte. Avec l'Égypte. Ici, en Algérie, tu n'aurais pas cru ce qui s'est passé. Il n'y a ni un vieux, ni une vieille, ni un enfant, ni je ne sais pas qui ne parle pas de ce match ou bien qui n'attend pas ce match. Même les animaux, les chèvres, les brebis, les poules, les canards. Tous, yani on a attendu ce match et parlé de ce match. Imagine que les gens sont assis partout, à droite, à gauche, sur les arbres, en train d'attendre et de parler de ce match. Et toi, tu vas du matin au soir de leur dire, par exemple, et on va parler de la salat et de la zakat et de. Personne ne va t'entendre. Personne. Personne. Si tu ne commences pas par lui parler du match, c'est quand, c'est quoi, c'est que là, jamais il t'entendra. Là, son cœur n'est pas avec lui, il ne peut pas t'entendre. Subhanallah. Il faut avoir la hikma, yani de savoir qu'aime cette personne. Comment puis-je rentrer vers son cœur? Comment puis-je, yani, conquérir son cœur? Si je pouvais savoir quels sont ses penchants, ses affinités, pour que je lui vienne de ce côté. Tant que ce côté n'est pas haram, bien sûr. Si cette personne n'aime que la drogue, c'est là, je ne vais pas lui dire vive la drogue. Non, mais je vais yani, voir comment. Pour plus tard lui dire que la drogue, ça fait très mal, etc., pour qu'il yani, l'évite. Tout ça, c'était quoi? C'était la nasiha aux savants et l'amour des savants. Le prochain dars, inshallah ta'ala, je le laisse spécialement. Il est plus important que ce que je viens de dire maintenant. Ce sera quoi? L'amour et la nasiha des gouverneurs. Comment qu'on fait la nasiha aux gouverneurs et yani, comment qu'on doit les aimer? Qu'est-ce qui est permis de dire d'eux, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment qu'on doit être avec eux, yani le statut à avoir avec eux, et le comportement à avoir avec eux, c'est très important, inshallah ta'ala, je dois vous laisser, bismillah ta'ala, je dis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, la personne qui devait me parler au téléphone pendant la pause, je lui dis que je m'excuse, inshallah ta'ala, on laisse ou bien, après que le dars se termine, et le cours, c'est-à-dire question-réponse, ou bien on laisse demain Salat al-Dhuhr vers 14h, Inch'Allah Ta'ala, comme vous voulez. De toute façon, Inch'Allah Ta'ala, je dois revenir dans un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous laisse le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah. Donc je commence par les questions sur Paltalk, donc Oumaymina Sarah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عز وجل Voilà, Cheikh, une question assez délicate d'une sœur. Elle a fait tauba pour un péché majeur, entre parenthèses, zina, wal'iyadu billah. Elle a demandé pardon à Allah, pleure très souvent de regret en pensant à ce péché. Mais hélas, elle est parvenue à refaire ce péché. Elle souhaite vraiment la stopper ce péché, mais elle est très très faible. Quand Allah lui aura fermé le cœur, elle voudrait savoir si ses taoubas seront quand même acceptées et aussi elle voudrait vraiment trouver une solution pour arrêter définitivement ce péché. qu'Allah vous accorde la vision de son visage. Question suivante. Salamu alaykum, Cheikh. Qu'Allah vous élève parmi les hauts degrés du paradis pour nous avoir accordé toute cette science bénéfique. Ma question concerne un passage du livre Les leçons de Tawhid, du Cheikh Mohamed Al-Wasabi. Le Cheikh dit à la page 50 au chapitre Les actes annulant l'islam et mécréante toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une loi autre que celle d'Allah, dans les relations, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines. Car agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. Fin du propos du Cheikh. Or, lors d'un de vos cours, vous aviez dit qu'il était permis de porter plainte et de faire juger une affaire par le tribunal. Veuillez m'éclaircir sur la question. Barakallahu fikoum. Question de Ikhlas, Inch'Allah. Salamu alaykoum, Cheikh. J'ai lu un hadith, mais j'aimerais savoir s'il est faible, valable ou pas, car il n'y a aucun rapporteur. Le hadith est: Celui qui met en doute un seul de mes hadiths aura le crâne brisé dans la tombe par les anges, comme le marteau écrasant l'œuf. Barakallahu fikoum, Yachir. Je passe sur le InSpeak. La question de Salafia 9. Donc je n'ai pas reçu la question. On passe à Abouzak 45. Salamu alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Ma question est la suivante. Je voudrais connaître le sens précis du nom d'Allah Azzawajal, El-Jabbar, traduit en français par le contraignant. Dans quel sens de contrainte pouvons-nous comprendre ce nom? Barakallahu fikoum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Passe à la question de Abou Ilyes. Salam alaikum, cher. Voilà, actuellement je suis en Égypte avec mon mari et mes enfants pour étudier et j'ai mes parents qui veulent que je retourne en France. Et mon père m'a dit, je veux que tu reviennes avec ton, j'ai pas compris, Omiliès. Avec ton énervé. Yani, je vois pas ce que ça veut dire. Et ma mère m'a dit que ton père a dit si tu éduques tes enfants dans un pays de kufr, tu as du ajal. Ton énervé. Et je comprends pas le sens. Inch'Allah. Donc tu reviens avec ton énervé et ma mère m'a dit que ton père a dit si tu éduques tes enfants dans un pays de kufr, tu as du ajr. Ma mère m'a dit qu'il avait demandé à la mosquée, cher, wallahi je n'en peux plus, je réfléchis beaucoup et je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, cher, aidez-moi. Jazakumullahu khairan. J'ai pas très très bien compris. Inch'Allah. Tfadal, cher. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. Donc, d'abord, je dis que je suis en train d'ouvrir l'akhra, l'inspeak. Je ne veux pas souffrir parce que, s'ouvrir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis déconnecté, j'ai bugué. Ensuite, ça me rappelle une chose, ça me rappelle, Muslim, que hier, j'étais en connexion avec toi. Ensuite, j'ai quitté sans te dire. Et je ne suis pas revenu, ça veut dire que j'ai pas pu réentrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je viens de bugger. Alhamdoulilah, j'ai pu rentrer. Si jamais une demi-heure, vous me voyez pas revenir, ça veut dire que j'ai pas pu rentrer. Mouhim. Maintenant, sur le Paltalk, j'ai pas pu ouvrir sur l'InSpeak. Est-ce que vous entendez sur l'InSpeak? Si vous pouvez yani, me dire, me confirmer qu'on m'entend là-bas, c'est pas la peine que j'ouvre puisque j'arrive pas. C'est bon, alhamdoulilah. Donc c'est bon. Ensuite, pour les questions, il faut dire que il y avait beaucoup, beaucoup de coupures. Beaucoup de coupures. J'ai entendu seulement la deuxième question et la moitié de la deuxième question, c'est tout. La première, une sœur Afizina, Ensuite, je n'ai pas entendu qu'est-ce qui s'est passé. Et la deuxième, jugée avec les lois, etc., je n'ai pas entendu. Tfadlal. Non, je vais répéter, Inch'Allah, cher. Alors, la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah azza wa jal. Voilà, cher, une question assez délicate d'une sœur. Elle a fait taouba pour un péché majeur, entre parenthèses zina, wal'iyadu billah. Elle a demandé pardon à Allah, pleure très souvent de regret en pensant à ce péché. Mais hélas, elle est parvenue à refaire ce péché. Elle souhaite vraiment à stopper ce péché, mais elle est très faible. Qu'Allah lui raffermisse le cœur, elle voudrait savoir si ces taouba seront quand même acceptées, et aussi elle voudrait vraiment trouver une solution pour arrêter définitivement ce péché. Qu'Allah vous accorde la vision de son visage. Amin. Cher, juste pour la première question, Inch'Allah, est-ce que ça a été? Est-ce qu'il y a eu des coupures? Est-ce que maintenant vous entendez bien, Inch'Allah? Pour pas que je lise les autres questions inutilement. Alhamdulillah. Donc je continue. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous élève parmi les hauts degrés du paradis pour nous avoir accordé toute cette science bénéfique. Amin. Ma question concerne un passage du livre Leçon de Tawhid du cheikh Mohamed El-Wousabi. Le cheikh dit à la page 50, au chapitre Les actes annulant l'islam, et mécréant toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une loi autre que celle d'Allah, dans les relations, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines, car agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. Fin du propos du cheikh. Or, l'un de vos cours, vous aviez dit qu'il était permis de porter plainte et de faire juger une affaire par le tribunal. Veuillez m'éclaircir sur la question. Barakallahu fikoum. Question de Ikhlas, Inch'Allah. Salamu alaikum, cher. J'ai lu un hadith, mais j'aimerais savoir s'il est faible, valable ou pas, car il n'y a aucun rapporteur. Ce hadith est le suivant. Celui qui met en doute un seul de mes hadiths aura le crâne brisé dans la tombe, par les anges, comme le marteau écrasant l'œuf. Barakallahu fikoum, ya cher. Je passe sur le InSpeak. Question de Abou Zak 45. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Ma question est la suivante. Je voudrais connaître le sens précis du nom d'Allah Azzawajal El-Jabbar, traduit en français par le contraignant. Dans quel sens de contrainte pouvons-nous comprendre ce nom? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous préserve. Amin. Question suivante. De Abu Ilyas. Salam alaikum, cher. Voilà, actuellement je suis en Égypte avec mon mari et mes enfants pour étudier et j'ai mes parents qui veulent que je retourne en France et mon père m'a dit je veux que tu reviennes avec ton énervé. Et ma mère m'a dit que ton père a dit si tu éduques tes enfants dans un pays de kufr. Tu vois, du Hajar, ma mère m'a dit qu'il avait demandé à la mosquée. Cher Wallahi, je n'en peux plus, je réfléchis beaucoup et je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Cher, aidez-moi, Jazakumullah khairan. Donc elle dit, en fait, mon père, il est en colère envers moi par rapport au fait que je suis en Égypte. Et il me demande de revenir en France pour rester avec eux. Et moi, je ne veux pas retourner en France. Tfadal, cher. Muslim Barklovic, si tu pouvais répéter le hadith du crâne dans la tombe, comment dit le hadith, et ensuite répéter la dernière question de celle qui est en Égypte. Donc le hadith dit, celui qui met en doute un seul de mes hadiths aura le crâne brisé dans la tombe par les anges, comme le marteau écrasant l'œuf. Et donc la dernière question. Voilà, actuellement je suis en Égypte avec mon mari et mes enfants pour étudier, et mes parents veulent que je retourne en France. Et mon père m'a dit, je veux que tu reviennes avec ton énervé. Allahu alim, ton énervé, il parle du mari de la sœur. C'est ce que je comprends. Et ma mère m'a dit que ton père a dit si tu éduques tes enfants dans un pays de kufr, tu as du hajar. des récompenses. Ma mère m'a dit qu'il avait demandé à la mosquée Cheikh, Wallahi, je n'en peux plus, je réfléchis beaucoup et je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, Cheikh, aidez-moi. Jazakumullah khairan. Tfadal, Cheikh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avant d'oublier, Inch'Allah Ta'ala, je commence par certaines choses pour ne pas les oublier. Comme j'ai dit la fois passée, j'ai dans l'intention, Inch'Allah Ta'ala, de faire lundi un concours. Yani, entre les frères et sœurs. Ce concours, ça fait des années que je le fais. Ça fait maintenant presque une année que je ne l'ai pas fait. Mais Inch'Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala le veut, il écrit. Inch'Allah Ta'ala, je le ferai lundi prochain. Comme d'habitude, vers 21h, sauf s'il se passe quelque chose. Le concours, bien sûr, aura trait sur cinq matières, sur la aqida, le fiqh, la sira, le hadith, et d'ordre général. Et d'ordre général. Ensuite, à la fin, yani, on verra, inshallah ta'ala, quel est le vainqueur. Quoique, jusqu'à présent, ce sont les sœurs, bi'idhna ta'ala, qui sont celles qui ont vaincu. Autre chose, je dis à la personne qui m'a envoyé un email pour me dire qu'elle avait un problème et voulait me contacter par téléphone. Je lui ai dit, Abchéri, parce que hier, Inch'Allah Ta'ala, j'ai retrouvé ma carte SIM. C'est-à-dire, des gens l'ont retrouvée et me l'ont ramenée. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu peux appeler demain à partir de 14h, bi'idhnillah Ta'ala. Comme je dis à la sœur qui s'appelle Amina Sara, de m'appeler aussi, Inch'Allah Ta'ala, demain à 14h et plus. Comme je dis aussi à la sœur Sana, que si je ne peux pas lui parler après le cours, qu'elle m'appellera aussi demain, Inch'Allah Ta'ala, à 14h. Toujours, Inch'Allah Ta'ala, yani après 14h. Quand je dis 14h, ça veut dire après. Que ce soit sur le site, le téléphone du site ou l'autre. Pour répondre, Inch'Allah Ta'ala, aux questions, je dis, pour la personne qui a fait la zina, ensuite qui l'a refait, et qui dit comment faire, j'aimerais juste lui faire un petit rappel pour lui dire que la zina, c'est un grand péché, vraiment grand. Pas comme le shirk, alhamdoulillah, mais c'est un grand péché. Au point où, si la personne qui a fait la zina, n'est pas marié, on va la fouetter sans coup de fouet. Sans coup de fouet, c'est vraiment, ça prouve que Allah Ta'ala est en colère. Et au point où, si la personne s'est déjà mariée une fois dans sa vie, même si maintenant elle est divorcée ou elle est veuve ou là, et a fait la zina, dans ce cas, en islam, elle doit être lapidée. Lapidée jusqu'à la mort. Dire que ce qu'elle a fait est très grave, vraiment grave, très grave. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le Coran, en faisant les éloges à certains gens, il a dit, wala yaznun, et ils ne font pas la zina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yukhlad fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Allah Ta'ala dit, et ceux qui ne font pas la zina, ceux qui font la zina, ils trouveront vraiment des choses qui les attendent, odieuses, et on va lui doubler, il a dit, on va lui doubler le azab, le châtiment, il a dit, sauf ceux qui ont fait quoi? Sauf ceux qui ont, Inch'Allah ta'ala, fait la tawbah. Ensuite, je dis à cette personne et à toutes les personnes que celui qui fait la zina et qui ne fait pas le repentir, demain quand il meurt, comme c'est dans le hadith authentique, Allah Ta'ala, en plein Jahannam, en plein enfer, qui? L'enfer, c'est quoi? C'est le feu, subhanallah. En plein enfer, il y a un feu spécialement pour ceux qui font la zina. C'est-à-dire tellement c'est grave que dans le feu, il y a un feu spécial qui sort comme ça, du bas, hein, du bas, et qui monte spécialement pour brûler les parties intimes. Et tout le monde sait que les parties intimes de la femme et de l'homme, ce sont des endroits très délicats. Et que juste une petite chose, ça touche, ça fait mal. Qu'en est-il un feu ardent, spécialement pour cet endroit? Que Allah Ta'ala nous préserve. Que Allah Ta'ala, nous en préserve. Ensuite, ma soeur, je dis à ma soeur, je ne sais pas si elle m'entend. Je lui ai dit, Où est donc la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est le djihad fi sabilillah? Regarde, la femme ne va pas au djihad. C'est pas obligé, si on n'a pas besoin d'elle. Alors, c'est quoi son djihad? Son djihad, ce n'est pas de yani, d'éloigner les tentations d'elle. Ce n'est pas de patienter. Ce n'est pas d'endurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, toute personne qui veut ne pas tomber dans les zina, dans la zina, doit ne pas suivre les étapes de la zina. Les étapes de la zina, c'est de discuter en tête à tête avec une femme étrangère, avec un homme étranger. Que ce soit par internet, ou là que ce soit par téléphone, ou là que ce soit se rencontrer, ou là. On se rencontre avec une bonne niya, ensuite la niya change. Pourquoi? Parce qu'il y a Iblis au milieu. Et Iblis et les tentations, et au point où la personne, c'est maintenant, c'est pas elle qui commande, ce n'est pas la charia qui la commande, c'est Iblis carrément qui la commande. Et il la jette dans la zina, et a'oudou billah. Imaginez après la zina, si quelqu'un y en est, avait de la foi vraiment, qu'est-ce qu'il aurait senti? Qu'est-ce qu'il sent? Car le messager d'Allah a dit, La yizni zani hina yizni wa huwa mu'min. Le messager d'Allah a dit, quand quelqu'un fait la zina, au moment où il est en train de faire la zina, au même moment où il est nu et il fait la chose, à ce moment-là, subhanallah, la foi complète, yani la foi parfaite, sort de lui. C'est seulement un musulman. Ce n'est plus un croyant. Il y a une différence entre le musulman, le musulman et le mu'min. Dans plein zina, il est seulement musulman. Mais il n'est pas croyant. S'il avait cru, il n'aurait pas fait cette chose. La foi que tu as dans ton cœur doit t'obliger de faire une chose pareille. Qui n'aime pas la zina? Qui n'aime pas l'alcool? Qui n'aime pas la drogue? Qui n'aime pas la danse? Qui n'aime pas les femmes? Qui n'aime pas les jeux? Qui n'aime pas... Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu ne le fais pas pour Allah Ta'ala. C'est lui qui l'a interdit. Il veut te tester. Tellement tu aimes ces choses, est-ce que tu les laisses pour Allah? Non, c'est ça la foi. Tu les laisses parce que tu l'aimes et tu crois sur la certitude que demain, il va te récompenser au mieux. Non, ici et dans l'au-delà. Allah al-Musta'an, comme tu as dit, Allah al-Musta'an. Pour la deuxième question qui a dit que il y a un cheikh qui a dit que juger avec les lois, ce n'était pas permis, etc. Et que dans un de mes cours, j'ai dit que c'était possible de déposer plainte contre quelqu'un. La réponse, je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens ce que j'ai dit. Si quelqu'un a des problèmes et qu'il n'a plus de solution que de déposer plainte contre quelqu'un, les grands savants comme Cheikh Rajih et beaucoup d'autres ont dit c'est permis. Pourquoi? Qu'est-ce qui est permis? Ce n'est pas c'est permis, yani que la loi est permise, la loi de qui n'est pas d'Allah Ta'ala. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que la personne ici s'est trompée quand elle a dit comment? Le Cheikh a dit c'est pas permis et vous vous dites vous pouvez le faire. Quand j'ai dit que je peux le faire, je n'ai pas dit que c'était permis, c'était halal. C'est pour ça que par exemple les takfiri, par exemple, te disent. Pourquoi, par exemple, en Algérie, on vend l'alcool? Donc, c'est permis, c'est halal. Et celui qui rend le halal, le haram, il le rend halal, c'est un kafir. Donc, le gouverneur, c'est un kafir. Nous, on lui dit, qui t'a dit qu'il a dit que c'est halal? Il vend l'alcool, mais il n'a pas dit c'est halal. Je bois l'alcool, j'ai pas dit c'est halal. Je fais zina, j'ai pas dit c'est halal. Il y a une grande différence. Ici, on a dit, il va déposer plainte. Sans reconnaître que c'est halal, mais parce qu'il est dans le besoin. Naam, il n'a que cette solution. En détestant cette chose, naam, il l'a fait car s'il ne fait pas cette chose, le mal qui va en découler sera plus grand que le mal qu'il va faire. Naam, c'est pour ça que quand l'insan, la personne est dans quoi? Est dans il y a vraiment la nécessité et n'a pas d'issue, il lui est même permis yani, de manger du porc pour ne pas mourir. Et si j'ai dans mon gosier un os et que je vais étouffer, et il y a devant moi, il n'y a pas d'eau, il y a seulement un verre d'alcool. Je bois ou là, je laisse mourir. Je prends quelques gorgées juste pour faire descendre l'os que j'ai dans la gorge. Tout ça, c'est dans la daroura. Comme ça, on dit les savants. Ils ont dit, ce n'est pas permis de juger avec une autre loi que la loi d'Allah. Celui qui dit c'est permis, il est devenu kafir. Mais tout en n'étant pas permise, des fois on fait des choses sous la contrainte. Comme des fois sous la contrainte, on nous pousse à insulter Allah Ta'ala ou à insulter le Coran, mais c'est sous la contrainte. Mon cœur n'aime pas cette chose, mais je suis sous la contrainte. Pour le hadith où il est cité le crâne brisé, que quiconque ne croit pas en cette chose où là il aura le crâne brisé dans la tombe et quelque chose comme ça, ce hadith n'est pas authentique et n'existe pas dans la vraie sunna. N'existe pas dans la vraie sunna. Pour la sœur d'Égypte, lorsque tes parents ont dit que tu peux les éduquer ici en France et tu auras des récompenses, s'ils veulent dire que yani, en France, c'est vraiment difficile d'éduquer des enfants en islam, pour l'islam, vers l'islam. Et malgré cela, tu les éduques, alors tu auras des récompenses, ça c'est vrai. Tellement c'est difficile, tellement c'est la mécréance, tellement c'est la perversité. Et toi, tu éduques tes enfants en islam, tu leur apprends l'islam et la sunna, ça c'est vrai, tu auras beaucoup de récompenses. Mais cela ne veut pas dire que alors, yani, ça te disculpera et tu pourras, et la hijra n'est plus obligatoire. Naam, là, tu peux éduquer tes enfants ici, alhamdoulilah, la hijra n'est plus obligatoire. Ça, c'est faux et ce n'est pas vrai. Naam, et tu as beau les éduquer en Allemagne, là, en France, là, aux États-Unis, jamais ils ne seront éduqués comme dans un pays musulman. Parce que ils auront toujours quoi? Toujours. Il y a certaines idées des kuffars, certaines idéaux des kuffars, certaines habitudes des kuffars, un certain amour vers les kuffars, un certain complexe envers les kuffars, même certaines paroles des kuffars qui vont les dire, et comme ça, toujours, tu ne peux pas vivre avec eux, ils sont collés à eux. Donc je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, si tu as fait vraiment la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, endure, patiente, même. Que disent tes parents, hein, tu leur dis sahaba, inshallah, etc. Mais tout ça, yani, ça n'a pas beaucoup d'importance. Car c'est Allah Ta'ala auquel tu es en train d'obéir et c'est lui qui t'a yani, ordonné de faire la hijra. Contacte-les par téléphone, essaye de leur parler matin et soir, discute avec eux, etc. Essaye de les convaincre petit à petit, jusqu'à inshallah Ta'ala, ce qu'ils soient convaincus ou ils oublient. Pour Al-Jabbar, le nom Al-Jabbar, en français, c'est traduit par le contraignant. En fait, en arabe, Al-Jabbar, ça a trois sens. L'un des trois sens, c'est le contraignant. L'un des trois sens, c'est le contraignant. Sinon, en arabe, Al-Jabbar, c'est aussi. Pourquoi on dit Al-Jabir? Al-Jabir, c'est le pansement. Al-Jabbar, ça peut être à peu près le penseur. Pourquoi? Des fois, quand quelqu'un est blessé, on lui met un pansement. Hein? Ça s'appelle Jabira en arabe. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est Jabbar? En ce sens que yani, les personnes chagrinées, il est avec eux. Les personnes affligées, il les aide. Yani, les personnes qui ont le cœur déchiré par les malheurs, etc., il les aide à surmonter les épreuves. En ce sens, il est Jabbar. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième, celui que tu as cité, toi, il est contraignant. C'est-à-dire qu'il contraint ses créatures à quoi? Sinon à l'adorer, du moins à suivre ses ordres universels. Il les contraint à ce qu'ils dorment. Vous connaissez une personne qui ne dort pas? Il les contraint à ce qu'ils vont aux toilettes. Il les contraint à mourir. Il les contraint à respirer l'air. Il les contraint en beaucoup de choses, qu'ils le veuillent ou pas. Non. Et le troisième sens de l'Jabbar, c'est. Il est le plus grand, le plus haut. Il est tellement haut que personne ne le peut approcher. On dit ça aussi, Al-Jabbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal hayyakumullah. Amin wa iyyak, cher. Donc c'est la question de Amatul Haq. Salam alaykoum, cher. Hafizakumullah ta'ala. Autour de moi, il y a beaucoup de sœurs qui se prétendent du minhaj salafi, mais qui ne font aucun effort ou vraiment très peu pour apprendre et avancer. J'essaie de leur faire comprendre, mais je n'arrive pas à mon but, qui est qu'elles s'investissent religieusement. Je ne sais plus quoi faire et j'ai envie de m'isoler de ces sœurs, car j'en arrive à avoir de la réticence face à leur insouciance. Que me conseillez-vous? Est-ce un péché si je m'éloigne d'elles? Dois-je patienter? Barakallahu fikoum. Question de Minhaj Salafi Sahih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Un frère musulman s'est suicidé. Allahu musta'an. Qu'Allah nous en préserve. Il a été mis dans un cercueil qui est scellé. Seulement, le lavage mortuaire n'a pas pu être fait sur lui et ne pourra être fait. Est-il permis de faire la salat janaza sur lui dans ce cas précis? Barakallahu fikoum pour votre éclaircissement. Hayyakumullah. Question de Umma Adam 93. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question. La sourate al-Fatiha commence par le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Or, dans les prières communes, beaucoup ne disent pas ce verset et commencent directement par Alhamdulillah. La prière est-elle valide? Doit-on la refaire? Doit-on le signaler à la personne qui guide la prière? On passe sur le InSpeak. Donc, SLFI 1-9, j'ai toujours pas reçu la question. On passe à Abdul Hakim 7. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je viens de tomber sur un site vraiment horrible qui a pour adresse. Non, donc on connaît ce site. Ce sont des gens qui disent que du mal sur tous nos savants. Al-Nawawi, Al-Asqalani, Ibn Taymiyyah, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Fawzan, Al-Albani et d'autres. Je voudrais que vous regardiez, Inch'Allah, ce site, car il peut faire égarer les personnes si elles ne sont pas encore ancrées dans le minhaj. Surtout avec le nom qu'il a ce site, car ça n'a aucun rapport avec ce qu'il contient. Je suppose qu'il y en a d'autres, des sites comme ça, mais ça fait vraiment mal de tomber dessus. Si vous pouvez encore insister sur ceux qui mentent sur nos savants, Inch'Allah, Shir, pour nous montrer comment ils procèdent et quelles sont leurs ruses, etc. Jazakumullah khairan. Donc, Inch'Allah, Shir, je vais vous envoyer le site en Whisper, mais certainement vous le connaissez. Donc, question suivante. Question de Moukassim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Par rapport à la salat istikhara, comment savoir si c'est un khir? Par exemple, pour savoir si on se marie avec telle personne. Il m'est arrivé de faire salat istikhara et de ne pas savoir quoi faire, être vraiment indécise. Puis je l'ai renouvelé. Et j'ai pu donner une réponse, Alhamdulillah. Mais je ne sais pas si j'ai bien fait, si je vais changer de réponse. Mais est-ce plutôt, je dois me dire, j'ai conseillé mon Seigneur. Mais est-ce que plutôt, je dois me dire, j'ai conseillé mon Seigneur, donc Bidinla, c'est un khair, et ma réponse est bonne. Je n'ai pas à regretter, et j'ai fait confiance à Allah. Donc, enlever cette peur. Qu'Allah vous protège. Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Muslim, hayakallah. Là où, si c'est possible, tu répètes la dernière question, elle n'est pas très claire. Ta salat l'istikhara. Tfadal, barakallahu. Naam, cher, elle n'est pas très claire. Je vais la relire, inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, par rapport à la salat istikhara, comment savoir si c'est un khir? Par exemple, pour savoir si on se marie avec telle personne, il m'est arrivé de faire salat istikhara et de ne pas savoir quoi faire, être vraiment indécise. Puis je l'ai renouvelé et j'ai pu donner une réponse. Alhamdulillah. Mais je ne sais pas si j'ai bien fait, si je vais changer de réponse. Mais est-ce que plutôt je dois me dire, j'ai pris conseil auprès de mon Seigneur, donc bi'idhnillah, c'est un khair et ma réponse est bonne. Et je n'ai pas à regretter et je fais confiance à Allah et donc enlever cette peur. Qu'Allah vous protège. Jazakumullah khairan. Tfadal, cher. En ce qui concerne la première question, d'abord avant que je réponde, est-ce que tu me confirmes toujours que sur l'InSpeak, il y a le son? Parce que moi, j'ai pas l'InSpeak, il est fermé chez moi. Parce qu'il ne veut pas, il veut pas s'ouvrir. Est-ce que tu me confirmes qu'ils m'entendent sur l'InSpeak? Demande là-bas à Bouzek, par exemple, s'il est avec eux. Alhamdoulilah. En ce qui concerne la sœur, qui dit que autour de moi, il n'y a pas de sœur dans le minhaj et qu'elles ne sont pas du tout intéressées par la science et que j'ai même envie de m'isoler d'elles, que me conseillez-vous? Je dis, premièrement, ces sœurs, Inch'Allah Ta'ala, ne doivent pas être la cause pour que, yani, elles te détournent de la quête de la science, et que elle te fasse, yani, perdre ton temps, par exemple, au point où tu délaisses carrément la science. Sinon, c'est-à-dire si tu sais que tu as un calendrier, un emploi du temps, masha'Allah, qui te permet en même temps je dis, d'apprendre la science et en même temps d'endurer avec ses sœurs pour leur montrer, et les guider et leur faire des nasihat, ça c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit avant cela, il a dit, ou bien à la fin. C'est-à-dire, il a dit, le croyant qui est fort est mieux que le croyant qui est faible. Il a dit, celui qui se mélange avec les gens, les côtoie, et endure, et patiente, pour ce qui lui font de mal, ou là, il a dit, celui-là est mieux que celui qui ne les côtoie pas et qui n'endure pas. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si tu as la capacité, je dis bien, tu as la capacité d'endurer, dans ce cas, c'est mieux. Tu endures, tu es avec elles, tu leur montres qu'elles fassent ou qu'elles ne fassent pas. Viendra le jour où elles vont appliquer. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui a ouvert les yeux, yani dans le tablir, ou bien dans le ikhwanisme, ou bien dans le takfir, tu ne vas pas en 3 jours, en une semaine, lui changer d'avis. Mais ça te suffit que, yani, tu dises les hadiths devant lui, que tu dises ce qu'ont dit les savants, etc. Et lui, qu'il accepte ou pas, alhamdoulilah, tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais je suis sûr qu'un jour, beaucoup d'eux, yani, vont revenir vers le haqq, inshallah ta'ala. Ça, c'est dans le cas où une personne peut endurer. Si une personne ne peut pas, n'a pas le cœur fort, ni une forte personnalité, ni assez de science pour éloigner leurs choubouhettes, leurs ambiguïtés, dans ce cas, Allah Ta'ala ne t'a pas obligé de t'asseoir avec eux, ni de leur faire leur prêche. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un savant et une savante. Mais il t'a dit, reste chez toi et apprends ta religion. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est à toi de voir l'année où en es-tu. Pour le frère musulman qui s'est suicidé, qui dit qu'on ne lui a pas fait le lavage, est-ce qu'on peut faire sur lui la prière? Là, vous savez que quelqu'un qui se suicide dans l'islam, c'est vraiment, vraiment, il y a un grand péché. C'est ne pas, quoi? Ne pas accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le destin, la prédestination. Ne pas accepter. Tu voudrais mettre fin à ta vie, de toi-même. De toi-même. Alors que Allah Ta'ala veut, yani, que ça vienne de lui. Mais dans tous les cas, ça vient de lui, parce que c'était écrit que tu allais te suicider. Il n'a pas écrit contre toi que tu veux, qu'il t'a contraint à te suicider. Mais il savait que tu allais te suicider, il l'a écrit. Mais ce n'est pas lui qui t'a dit suicide-toi. Lui, il t'a dit dans le Coran, attention, tu te suicides. Dans la Sunna aussi. Mais le shaitan est venu, il t'a poussé, tu t'as suicidé. Tu as fait un grand péché, tu n'es pas kafir, sauf si tu as dit le suicide, je ne reconnais pas son droit en islam, c'est halal dans ce cas, bien sûr. La personne est kafir, mais comme il dit, c'est un frère musulman, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, sûrement, a eu des problèmes immenses et graves, et il n'a pas pu patienter, et qu'Allah m'a chafa, c'est vraiment un grand péché. Maintenant, normalement, on le lave. Et aussi, on l'enterre. On fait la prière sur lui. Maintenant, si les gens n'ont pas pu le laver ou là, on ne nous a pas donné la permission de le laver, au moins qu'on ne laisse pas passer aussi quoi, yani, l'ordre de prier sur lui. Maintenant, est-ce qu'on prie sur quelqu'un qui meurt sur un grand péché? Les savants ont dit, yani, en général, on doit prier sur lui, c'est-à-dire au moins une, deux, trois personnes vont prier sur lui. On ne va pas l'enterrer comme ça sans prière. Mais ils ont dit que les modèles, les gens qui sont des modèles, les savants, les grands, les prédicateurs, il a dit, ceux-là ne font pas la prière sur lui pour être un exemple pour les autres gens. Comme ça, les autres gens auront peur. Ils ont dit, regarde, celui qui fait la zina, celui qui se suicide, on ne fait pas la prière sur lui. Les savants n'ont pas fait la prière sur lui. J'ai vu là, il y avait Cheikh Ibn Taymiyyah là, il n'a pas voulu prier sur lui. Donc les gens auront peur. Mais en général, les autres musulmans doivent faire la prière sur lui. Quant à la personne qui parlait de Sourate al-Fatiha, qui a dit que beaucoup de gens commencent directement al-Fatiha en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin sans dire Bismillah Rahman Rahim. Je dis d'abord à cette personne que ça, c'est le rite de Imam Malik Rahimahullah. Dans son madhhab, on commence directement par Audubon, on commence directement Alhamdulillah Rabbil Alamin sans dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est que Sourate al-Fatiha comprend sept mathani, yani les louanges. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, sept. Et que Bismillah Rahman Rahim, c'est l'un des sept. C'est l'une des sept louanges. Regardez par exemple ce hadith, qui peut être copié ici, regardez. Avec moi ce que dit le hadith, Ida qara'tum alhamdulillah. Si vous lisez alhamdulillah, faqra'u bismillahir rahmanir rahim. Alors lisez bismillahir rahmanir rahim. Innaha umul Qur'an. C'est la mère du Coran. Ou umul kitab. La mère du livre. Bon, la mère, je ne sais pas si on dit la mère. Ou sab' al-matani. Les sept éloges. Bismillahir rahmanir rahim. Ihda ayatiha. Et bismillahir rahmanir rahim, c'est l'un de ces versets. Subhanallah al-Azim, pour les gens qui disent quoi? Qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce n'est pas un verset. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, eux, écoutez le messager d'Allah qui dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est l'un de ces versets. Comment lui, alayhi, il dit Bismillah, c'est l'un de ces versets, et toi tu dis que ce n'est pas l'un de ces versets. Ce hadith, bien sûr, vous pourrez le trouver, Inch'Allah ta'ala, dans Sahih al-Jami'a. Dans Sahih al-Jami'a. عن أبي هريرة تحقيق الألباني إلى دي صحيح انظر حديث نميرو 729 في صحيح الجامع donc vous avez entendu le messager عليه الصلاة والسلام qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith numéro 729 dans صحيح الجامع il a dit بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها c'est l'une de quoi c'est l'un des sept versets de sourate Fatiha donc les gens maintenant qui disent pas بسم الله الرحمن الرحيم qu'est-ce qu'on leur dit On leur apprend seulement le hadith. S'ils veulent, ils sont convaincus, ils disent c'est vrai qu'ils commencent à appliquer. Alhamdulillah. S'ils n'appliquent pas, Muhammad Salat n'est pas nul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va endosser ça, Yom al-Qiyamah. Moi, je fais la prière derrière lui. Et lui, s'il est convaincu que c'est un verset, il ne le dit pas, c'est lui qui a annulé sa prière, pas la mienne. Moi, derrière lui, j'ai dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quant à, si lui n'est pas convaincu, Il dit non, le hadith n'est pas vrai. L'Albani, ce n'est pas un savant. L'imam Malik est plus savant que lui. L'imam Malik dit il n'y a pas Bismillah. Tout cela, c'est entre lui et Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala veut l'excuser au Qiyamah, il l'excuse. C'est ce qu'on appelle en arabe le muta'awil. L'essentiel, moi, je lui ai dit voilà le hadith authentique. C'est tout. Quant à Salat Istikhara, et la personne qui a dit que. Est-ce qu'on pouvait la renouveler ou on ne la renouvelle pas? C'est quoi le délit, etc. Je commence par dire que Salat al-Istikhara, la plupart du temps, disent les savants, c'est quelque chose, yani sa réponse, quand tu fais Salat al-Istikhara, sa réponse, c'est un sentiment que Allah Ta'ala fait descendre sur ton cœur. Et des fois, rarement, ça peut être un rêve, un songe, un rêve véridique. Allah Ta'ala te montre telle et telle chose. Non. Mais c'est pas obligé que ça soit un rêve, c'est pas obligé. Car dans la plupart du temps, c'est quoi? La plupart du temps, c'est des sentiments que tu ressens dans ton cœur. Maintenant que tu as fait ça, l'istikhara, tu as des penchants envers cet homme qui veut demander ta main. Tu as des penchants envers ce projet que tu voulais faire. Non. Ou bien, classe, tu ne ressens plus rien envers ce projet. Tu ne ressens plus rien envers cet homme. Tu voudrais qu'il ne vienne pas demander ta main. Tu voudrais qu'il ne revienne pas pour connaître la nouvelle. Et comme ça. Et salat al-istikhara, il est possible qu'elle se renouvelle. Car, comme il est cité dans Sahih al-Bukhari, dans Fath al-Bari, hein, Ibn Hajj al-Asqalani a cité dans Fath al-Bari avec un isnad, bon isnad ou bien authentique. Il a dit que Abdullah ibn Zubayr, le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Ibn Zubayr, le fils de Zubayr, qui s'appelle Abdullah, sa mère, c'est, comme vous connaissez, Esma. Quand il a voulu détruire la Kaaba. Pourquoi? Pour lui donner sa forme initiale. Car, en son temps, elle n'était pas construite sur les bases de Ibrahim alayhi salam. Il a voulu la détruire pour la mettre sur les bases de Ibrahim alayhi salam. Avant de la détruire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le témoin du Dars. Il a dit, il a fait salat al-istikhara 3 fois. Non, pourquoi? De peur, yani, comment, yani, je vais détruire la Kaaba? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Que vont dire les gens, etc. Donc, il a fait salat al-istikhara 3 fois. Donc, nous, on peut prendre, inshallah ta'ala, de ce athar et aussi faire une salat al-istikhara, par exemple, 3 fois. Ensuite, vous avez remarqué que des fois, quand on fait salat al-istikhara, des fois, y a pas, on est plus ou moins distrait. Quand on est plus ou moins distrait, des fois tu n'as pas de réponse. Et des fois, non. Tu sens que tu as khushu dans ton cœur. Tu sens que ton cœur, yani, mashallah, yani, tu sens yani, une joie à l'intérieur. Tu sens, yani, tu sens, comment dirais-je, yani, tu te sens proche du dîn, proche d'Allah, proche. Et dans ce cas, tu fais l'istikhara. Et la plupart du temps, ça donne, inshallah ta'ala, une réponse mieux. Donc maintenant, cette personne qui a dit, j'ai fait confiance à Allah Ta'ala, j'ai donné ma réponse, etc. Je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, laisse les choses comme elles sont. Tu as donné la réponse, khlas. Maintenant, si après avoir donné la réponse, que c'est non ou là, que c'est oui, et qu'après ça va changer, laisse les choses changer. C'est aussi salat istikhara. Car des fois, yani salat istikhara, des fois, yani au début, tu crois que c'est comme ça, ensuite ça se renverse. Ça se renverse de l'autre côté. Donc, tu laisses de cette chose entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui as demandé qu'il te choisisse, hein? Demande à Allah ta'ala maintenant qu'il accepte, yani, de t'exaucer. Allahu ta'ala alam, tfadhal. Ah, donc on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Donc, question de Umnaïma Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah Azzawajal vous récompenser pour le partage de votre science et le temps précieux que vous nous consacrez par la meilleure des récompenses. Amin. Je suis arrivé en retard à Salat al-Aïd à la mosquée après la première raka'a. J'ai voulu rebrousser chemin car les rangées de prieuses allaient jusqu'à l'extérieur et je me trouvais au dernier rang. Entre parenthèses, les passants dans la rue pouvaient donc me voir. Mais je suis resté et j'ai prié. Je n'ai pas pu faire le tahiyat al-masjid à cause de mon retard et j'ai dû rattraper seule ma seconde raka'a de Salat al-Aïd après la fin de celle du groupe. Je m'interroge à présent sur mes actes. Ai-je procédé comme il le fallait? Sinon, qu'aurais-je dû faire? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais que vous me conseilliez, cher, car j'ai un vice que je n'arrive pas à arrêter. C'est très difficile. À chaque fois, je fais ce péché, en précisant que c'est un grand péché, et je regrette, mais je retombe dedans. Conseillez-moi, cher, barakallahu fikoum, ainsi qu'aux admins. Wa fikoum baraka. Question de Mouahidine. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hayakumullah, cher. Est-ce que le fait que des personnes envoient tous les jours ou souvent des SMS de hadith ou versets, et parfois plusieurs par jour, ne rentre pas dans la bid'a? Jazakumullah khair. Parce qu'ici en France, ça se propage de plus en plus. Qu'on passe sur le InSpeak. Question de Hudaïfa. Salam alaikum. J'ai lu que Cheikh Najmi, rahimahullah, a dit celui qui délaisse les rawatib sans raison valable est une personne mauvaise. Et nous ne prenons pas ça, sa shahada, témoignage. Il y a aussi l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a dit, celui qui délaisse volontairement el-witr est une mauvaise personne. Son témoignage ne doit pas être accepté. Fatwa Ibn Taymiyyah, rahimahullah. De quel témoignage parle-t-on? Est-ce ce qui fait que cette personne est mauvaise? Comment faire le lien avec le hadith du bédouin qui se présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea sur l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: 5 prières au cours du jour et de la nuit. Le bédouin lui dit: dois-je accomplir d'autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: non, à moins que tu le fasses à titre surérogatoire. Pouvez-vous aussi m'expliquer comment on prie Salat al-Witr? Qu'Allah vous récompense. Question suivante. Question de Souleyman. Salamu alaikum, cher. Hafizakumullah. Concernant la sincérité de faire tous les actes pour Allah. Certaines fois, il m'arrive de vouloir accomplir des prières surérogatoires ou de lire le Coran, de faire une sadaqa, etc. Mais je m'abstiens par crainte de faire cette chose par ostentation. Je voudrais savoir si ce sont des waswas qui m'éloignent de l'opportunité d'accomplir une bonne action, ou est-ce que j'ai raison de réagir comme cela. C'est une chose qui me peine et j'ai l'impression de me priver de beaucoup de bienfaits. Tfadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour Salat al-Eid, non, pour la personne qui, lorsqu'elle est arrivée, l'imam a déjà fait une rak'at. Non, elle a dit, j'ai pas fait tahiyat al-masjid et j'ai fait seulement la deuxième rak'at. Je lui ai dit, justement, c'est ce qu'il fallait faire. Jamais, jamais, jamais de la vie, on ne peut faire tahiyat al-masjid, jamais de la vie. On a le droit de faire tahiyat al-masjid quand l'imam a commencé sa salat, que ce soit salat subh, dhuhr, asr, maghrib, isha, ou bien salat l'Eid, ou bien salat al-jumu'ah. Si l'imam commence la salat, jamais on ne fait salat tahiyat al-masjid. Ensuite, salat tahiyat al-masjid ne se fait pas dans la rue, parce que je comprends de cette personne que yani, il y avait des gens dehors, tellement c'était complet à l'intérieur, qu'elle-même elle a fait la prière dehors. Donc je lui dis, dehors, il n'y a pas tahiyat al-masjid. Dehors, si tu y arrives, même s'il y a de la place dehors, il n'y a pas dans la mosquée, tu t'assois directement dehors, sans faire tahiyat al-masjid. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans un masjid. Et la prière s'appelle tahiyat al-masjid. Quant à, si une personne arrive et elle trouve que Salat l'Aïd est terminée, dans ce cas, quand elle va chez elle, elle choisit entre trois choses. Ou bien de ne rien faire, comme a dit Ibn Taymiyyah, ou bien de faire seulement deux rak'at, comme par exemple Salat al-Duha, ou deux rak'at, comme disent certains savants, ou bien elle refait exactement comme Salat al-Aïd. Elle dit Allahu Akbar, ensuite 7 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et elle lit, et elle descend la première rak'a, ensuite elle se lève pour la deuxième rak'a, elle dit Allahu Akbar pour se relever, et elle dit 5 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois, et elle termine, et elle lit à haute voix bien sûr, et elle dit Salam alaykoum, comme c'est la vie de beaucoup de savants. Non. On a dit c'est pour la première question, Inch'Allah ou Ta'ala. Pour, non, pour le vice, une personne qui a un vice, qui a dit comment s'en débarrasser. Je dis à cette personne, Naam, ne reste pas beaucoup seul. Ne reste pas beaucoup seul. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit Shaitan ma'al wahid, wa huwa min ithnaini abad. Il a dit le Shaitan est toujours avec la personne esselée. Il est toujours loin, Naam, lorsqu'elles sont deux personnes. Il est toujours loin d'elle. Alors toi, ne reste pas beaucoup seul. Si tu es seul, pour ne pas être seul, qu'est-ce que tu fais? Reste avec les compagnons. Les compagnons, ils sont là. Ils sont dans les hadiths. Ouvre les hadiths, le Bukhari, Tirmidhi, tu lis. Les hadiths, ce qu'ont dit les sahabas, ce qu'a dit le messager. Même le messager de là, il est avec toi, avec sa sunna. Reste avec lui, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Surtout, surtout, surtout, il faut quoi? Il faut fermer toutes les issues qui vont vers ce vice. Je ne sais pas c'est quoi ce vice, mais ferme toutes les issues. Naam, si c'est, tu as l'habitude de voir des choses de haram, naam, naam, tu fais ton possible pour ne pas les voir. Naam. Tu fais, tu penses toujours que Allah Ta'ala est en train de te voir et qu'il t'a interdit cette chose et que tu dois l'aimer et que tu dois lui obéir et qu'il est en train de te tester et que tu ne te commandes pas, c'est lui qui te commande. Et que c'est comme ça que tu prouves que tu es un vrai musulman, un vrai croyant. Et c'est comme ça que tu vas avoir les récompenses. Naam. Si à chaque fois que ton nefs te disait une chose, tu vas la faire, alors où est la preuve que tu es un bon croyant? Où est la preuve? À chaque fois que mes yeux veulent quelque chose, je vois le haram. À chaque fois que ma bouche veut quelque chose, je dis le haram. À chaque fois que ma main veut quelque chose, je fais avec elle le haram. Et comme ça. Donc, classe, c'est pas l'islam qui me commande, c'est moi et mes passions et le shaitan qui me commandent. On doit être abdoulillah. Il faut que tu sois abd, un serviteur d'Allah, pas le serviteur de tes passions. Taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que peut-être en faisant cette chose, tu vas mourir. Peut-être en faisant cette chose, il va y avoir un tremblement de terre, tu vas mourir. Mourir dans le péché, mourir dans le vice. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Demande-lui d'accroître ta foi. Lis beaucoup le Coran. Demande la science. Reste avec les gens de la science. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant qu'il t'éloigne de ce vice. Ainsi qu'il éloigne tous nos frères, nos sœurs et nous-mêmes. Pour les SMS qu'on envoie à travers le portable. Non. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Une seconde, Une seconde. Non. Rappelle-moi, Inch'Allah Ta'ala, musulman, que il y a une issue, comment dire, pour que Inch'Allah Ta'ala, tu puisses être aussi super admin. Comme ça, quand il y a quelqu'un à bosser ou là, tu peux le faire, Inch'Allah Ta'ala, sans que j'arrête le DAS. Déjà que le nom que tu viens de m'écrire en whisper, je ne le trouve pas. Non, j'ai bien cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché aussi dans l'admin, je ne l'ai pas trouvé à l'intérieur. Non, je ne l'ai pas trouvé. Eh, mais je ne peux pas l'ajouter maintenant, cher. Taïb, laisse-le. Laisse-le, Inch'Allah Ta'ala. Toujours laisse une liste. Laisse une liste chez toi. Et à la fin, Inch'Allah Ta'ala, on les met nous, dans l'akhir. Fahmt? Laisse une liste, Inch'Allah Ta'ala, chez toi. Et à la fin, Inch'Allah Ta'ala, on leur donne ce qu'ils méritent. Le mohim. Je reviens pour dire, Inch'Allah Ta'ala, que. C'était quoi? Non, pour les SMS qu'on envoie à travers le portable. Je veux dire, l'SMS lui-même n'est pas interdit. Tu envoies un SMS où il est dit que le messager d'Allah a dit telle chose, il n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est deux choses. si on envoie ces SMS avec une certaine aqida, avec une certaine croyance dans le cœur que il faut envoyer, sinon c'est haram, qu'il faut en envoyer 10, que si tu n'envoies pas, il t'arrive telle ou telle chose, ça rentre dans la bida. Mais si dans ta tête, yani, ton intention c'est, hein, tu veux envoyer des gens, aux gens des hadiths, hein, juste pour qu'ils lisent les hadiths, pour que, yani, ils sachent certains hadiths, etc. Inch'Allah, ce n'est pas interdit à ce que je sache. Non. Mais je conseille, si quelqu'un les envoie, envoie des hadiths, il faut qu'il soit sûr qu'ils sont authentiques. Pour qu'ils n'apprennent pas aux gens des choses qui n'ont rien à voir avec la sunna. Non. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne ce qu'a dit Cheikh Najmi, rahimahullah, pour le huître, etc., je dis que je ne sais pas, je n'ai jamais lu ce qu'a dit Cheikh Najmi, rahimahullah, mais ce qu'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, ça c'est vrai. Je l'ai lu dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam, où ils disent que, et l'imam Ahmed a dit que, une fois il y avait une personne avec lui, il a dit sortez, sortez de chez moi, faites sortir de moi, de chez moi cette personne. Ce n'est pas une bonne personne car elle ne fait pas salat l'huître. Non. Ça, vous devez savoir que les salats, ça se divise en deux. Il y a la salat obligatoire, qui sont les cinq que vous connaissez, et il y a la salat, bien sûr, l'aïd aussi. L'aïd, c'est obligatoire, et du moins, c'est obligatoire. Et ensuite, il y a la salat surérogatoire. Et dans les salats surérogatoires, il y a des salats recommandées. Sunna mu'akkada. Comme les 12 rak'at qu'on fait en plus dans la journée. Non. Et dans les sunnah, dans les surérogatoires, il y a qui sont fortement recommandés. C'est quoi? C'est salat al-fajr et salat al-witr. Et entre ces deux, salat al-fajr et salat al-witr, non, est beaucoup, est aussi, yani, très recommandé, au point où certains disent qu'elle est obligatoire. C'est pour ça que le messager d'Allah n'a jamais délaissé Salat l'huître et salat quoi, al-fajr, qu'il soit chez lui ou qu'il soit en voyage. C'est pour ça que yani, une personne n'a pas le droit de délaisser complètement salat l'huître et salat al-fajr. Même si yom al-qiyama, si tu les fais pas, Allah Ta'ala ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas fait salat l'huître, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on m'a cité la personne ici, le hadith du Bédouin. Hadith du Bédouin a bien montré qu'il y avait seulement 5 salats obligatoires. Mais les gens, surtout d'autrefois, avaient tellement de piété que, yani, ils ne faisaient pas de différence entre la salat obligatoire et surérogatoire. Et surtout celle qui est recommandée. Pour eux, quelqu'un qui ne fait pas salat lui, c'est vraiment grave. Et c'est pour ça les savants disent que, par exemple, celui qui ne fait pas salat lui, carrément, il dit là, ça dit je ne la fais pas. On ne parle pas de celui qui l'a fait de temps en temps, il la délaisse. Mais quelqu'un qui carrément ne fait jamais salat l'huître, ou bien salat al-fajr, les savants disent, par exemple, on ne doit pas l'appeler à venir témoigner, par exemple, pour un mariage. Ou la témoigner que tel enfant, par exemple, c'est mon fils. On ne l'appelle pas pour le témoignage. Hein? Pourquoi? Parce que il est manquant par rapport à ceux qui font la salat obligatoire plus les recommandés. Ces personnes sont mieux, sont plus pieuses. Pourquoi? Car plus tu fais des salats obligatoires, surérogatoires, plus c'est un délit de piété. Et là, je profite pour répondre à la personne qui a dit qu'elle avait peur de l'ostentation, etc. Je lui dis, mon frère ou ma soeur, si par peur d'ostentation, tu vas délaisser des salats surérogatoires, hein, tu ne vas pas aller très loin. Car maintenant, tu ne fais que peut-être la salat obligatoire. Ensuite, un de ces jours, tu vas t'arrêter. Mais la salat surérogatoire, c'est une salat qui quoi? Qui va, subhanallah, te donner la saveur de la foi. La saveur de la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la salat surérogatoire n'est pas obligatoire. Elle est seulement surérogatoire, bénévole. Donc, Quelqu'un qui l'a fait, ça veut dire quoi? C'est un signe qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est un signe de piété. Quant à celui qui fait des saintes prières, naam, c'est quoi? On peut dire tout juste, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui a peur d'Allah et qui a fait l'obligatoire. Mais il n'a pas ajouté quelque chose en plus sur cet obligatoire pour prouver que, regardez, il fait des choses qui viennent de lui. Personne ne lui a demandé, il fait. C'est un peu, pour vous donner un peu comme exemple, c'est quelqu'un, je vais faire venir travailler quelqu'un chez moi. Non. De 8 h du matin jusqu'à, disons, 16 h. Disons, 10 euros par jour. Disons. Non. Maintenant, c'est 16 h. Non. Il termine, normalement, c'est terminé le travail. Il reste encore 1 heure ou les 2 heures et il ne demande pas à le payer. Ça, c'est vraiment une personne qui m'aime et qui me veut du bien. Elle fait 2 heures, non, de nafila, sans me demander de la contrepartie. Mais si, par exemple, de 8 h à 16 h, lorsqu'il travaillait chez moi, est-ce qu'il peut me dire, eh, écoute, c'est moi qui travaillais chez toi, c'est moi qui t'ai construit la maison? Il peut pas, je lui dis, tais-toi, tais-toi, tais-toi, je te payais pas. Est-ce que tu as fait ça, fisabilah, tu as fait ça en contrepartie, je te payais. Mais maintenant, il fait des choses en plus. La même chose ici pour la salat. C'est une prière, c'est obligatoire que tu les fasses. Tu veux pas les faire ici? Il y a un châtiment qui t'attend au Qiyama. Et même un châtiment ici pour ceux qui disent qu'il est kafir, se basant sur le hadith. Mais maintenant que tu fasses toi des choses en plus qui ne sont pas obligatoires, ça c'est une preuve que, mashallah, que tu aimes ce dîme, que tu aimes Allah et que tu voudrais avancer. Et n'oubliez pas que les choses surérogatoires, que ce soit prière, que ce soit jeûne, que ce soit aumône, toutes les choses surérogatoires, elles ont cette faveur d'attirer l'amour d'Allah envers cette personne. Comme dans le hadith de Bukhari ou Muslim, où le messager d'Allah a dit que Allah Ta'ala a dit, il n'y a pas une chose que j'aime comme les choses que yani, j'ai ordonné à mon serviteur de faire. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Et voilà que mon serviteur est toujours en train de se rapprocher de moi avec les nafilah jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, je serai ses yeux ou sa vue avec laquelle il va voir, son oui avec laquelle il va entendre, ses mains avec lesquelles il prend, ses pieds avec lesquels il marche, et s'il me demande, je lui donne, s'il m'invoque, je lui réponds, et comme ça dans le hadith authentique. Ça, c'est quand? C'est quand tu fais le surérogatoire. Il a dit, wa mazala abdi, mon serviteur, yataqarrabu ilayya bin nawafil, se rapproche vers moi en faisant les nafilah. Donc tu vois que on ne se rapproche pas d'Allah en faisant l'obligatoire, mais en faisant nafilah. C'est une preuve. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala t'aime. Pour que Allah Ta'ala t'aime, il faut que tu fasses les nafilah. Donc attention, je dis à cette personne, attention à ce que le shaitan te dise, l'ostentation, je ne sais pas quoi, ensuite tu vas laisser les nawafil. Non. Même si tu as peur devant les gens de l'ostentation, au moins, profite de faire des choses quand tu es seul dans ta pièce, dans ta chambre. Tfadhal. Allahu a'lam. Donc c'est la question de Maïssa 223. Salam alaykoum, hayakoum Allah. Une sœur demande, j'ai beaucoup de waswas qui m'envahissent l'esprit et qui me font douter. Je me remets en cause par rapport à mon minhaj, à savoir est-ce que je suis une croyante, est-ce que je suis sur la bonne voie ou non. J'ai peur de tomber dans le kufr et de faire partir des hypocrites. Même quand dans le Coran, Allah parle des hypocrites, j'ai vraiment l'impression que j'en fais partie. J'ai vraiment peur de perdre ma foi, malgré que je crois en Allah fermement, au messager, au monde invisible, etc. J'aimerais que vous me conseilliez pour renforcer ma foi. Jazakumullah khairan. Question de Moumou 29. Salamu alaikum. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi un taroute? Je ne sais pas comment ça s'écrit, ça se prononce taroute. Question de Oumou Imran. Assalamu alaikum, cher, hayakum Allah. Voici la question d'une sœur concernant la salat du matin, salat as-subh. En ce moment, je travaille. Comme je ne suis pas véhiculé, je prends le transport en commun. La salat chez nous est vers 6h35, 6h40. Je sors bien avant la salat pour que je puisse arriver à l'heure de salat au travail, que je fais vers 7h environ. Et j'aimerais savoir si les deux rak'at surérogatoires, le fajr, je peux les faire assises dans le bus, vu que j'ai lu un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait les salats surérogatoires assis. Cela est-il valable dans mon cas? Barakallahu fikum. Je passe sur le InSpeak. Salamu alaykoum, cher. Tout d'abord, je vous aime, oh Allah, ma belle-sœur âgée de 16 ans. En commettant une erreur, m'a dit pourquoi Allah Azzawajal nous compte cette erreur, alors qu'elle a été écrite 50 000 ans avant notre création. Je lui ai dit que tout ce que nous faisons de mal, c'est nous qui le faisons. Elle ne comprend pas et me dit, mais Allah le savait déjà. Je n'ai pas voulu continuer de peur de dire n'importe quoi. Pouvez-vous m'aider à lui expliquer? Barakallahu fikum, qu'Allah vous guérisse. Amin. Question de Talib al-Ilm. Salam alaikum, cher. Alhamdulillah, je suis musulman et j'étais très loin avant de rentrer dans le minhaj. Je suis assez âgé et je ne connais pas grand-chose de ma religion. Je suis très très très très loin. Mon cas est-il désespéré? Que me conseillez-vous? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Muslim, c'est quoi la dernière question? Est-ce qu'il a dit que c'était un reconverti ou quoi? Non, il n'a pas dit qu'il était converti. Je répète, Inch'Allah. Il a dit, Alhamdulillah, je suis musulman et j'étais très loin avant de rentrer dans le minhaj. Je suis assez âgé. Et je ne connais pas grand-chose de ma religion. Je suis très très très très loin. Mon cas est-il désespéré? Que me conseillez-vous? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam rahmatullah wa barakatuh. Je dis à la personne qui m'a dit qu'elle m'aimait en Allah que Allah Ta'ala l'aime comme elle m'a aimé. Ensuite, je dis à la personne qui a des ouest-ouest au point où elle se demande si elle est toujours croyante ou pas et qu'elle a peur de faire partie des hypocrites. Je lui dis, hein, les ouest-ouest en général, ça nous arrive à nous tous. Mais encore, faut-il, yani, les combattre et ne pas les laisser, que ce soit eux qui dominent. Parce que les ouest-ouest ont cet avantage de, des fois, ils grandissent. Des fois, ils grandissent et des fois, ils deviennent incontrôlables. Si on n'arrive pas à les mater, hein, si on n'arrive pas à les mater dès le début. Donc, comment les mater, Inch'Allah Ta'ala? Le ouest-ouest, il ne faut pas rester beaucoup seul. Il faut toujours être occupé. Sinon, yani, sinon par le dîn, la quête de la science, etc. Au moins, sinon, par des choses, yani, qui sont quoi? Qui du moins ne sont pas haram. Mais surtout, surtout, surtout, si tu veux combattre le ouest-ouest, c'est en apprenant le dîn. Surtout en apprenant la aqida. Surtout. Non, car ouest-ouest et aqida sont incompatibles. Quand tu commences à lire non, les livres de la aqida, à écouter les doses de la aqida, tu vas voir que ton cœur, c'est de la lumière qui va y pénétrer. Non, des faisceaux de lumière, de nour qui viennent d'Allah Ta'ala vont pénétrer dans ton cœur. Et chaque faisceau qui va pénétrer, il va expulser un quoi? Un faisceau de ténèbres. De ténèbres qui va sortir de ton cœur. Mais si la personne reste comme ça, vide, l'âme vide, elle fait rien pour apprendre, elle fait rien pour avancer, qu'est-ce qui va se passer? Le shaitan et les ouest-ouest vont trouver dans son cœur, yani, un emplacement, yani, favori. Ils vont dire ici, Mashallah, c'est l'endroit dont on rêve pour habiter un cœur pareil. C'est pour ça que je dis à ma soeur, fais Inch'Allah ta'ala des efforts pour apprendre le dîn, pour lire, pour apprendre la aqida. Naam. Il y a plein de doses dans l'internet, il y a plein de cassettes qui se vendent, il y a plein. Naam. Achète et écoute Inch'Allah ta'ala des doses, lis. Naam. Et tu vas voir comment Inch'Allah ta'ala, yani, tout va changer en toi. Bi'idhni azza wa jal. Mais Inch'Allah ta'ala, tu n'es pas une hypocrite. Inch'Allah ta'ala, tu es loin du kufr. Au contraire, tu voudrais apprendre, tu voudrais te soigner, tu voudrais te corriger. C'est Inch'Allah ta'ala un dalil que yani, tu es loin de toutes ces choses, Inch'Allah ta'ala. Naam. Pour la personne qui a dit c'est quoi ta route et que je n'ai pas compris, le ta route, c'est en général naam, toute chose qui dépasse les normes. C'est pour ça qu'on dit en arabe le ma, en parlant de l'eau, on dit tara et tarat, dépasser les limites. C'est pour ça que le ta route peut être un shaitan, peut être une statue, peut-être une personne, peut-être un dirigeant, peut-être une personne qu'on adore, peut-être, et tout ça, tyran. C'est ça le taout. Mais je dis à cette personne qui dit que je ne sais pas c'est quoi taout, ni comment ça s'écrit, attention, cher frère, attention, chère sœur, que tu sois tombé dans les salons des takfiriyin et des khawarij, qui du matin au soir, dans leur salon, ils disent Taout, Taout, kofr bet Taout, il faut haïr le Taout, il faut mécroire au Taout, sinon tu n'es pas musulman, ceci, cela. Tout cela, naam, tous ceux qui disent ça, eux-mêmes sont rentrés dans le Taout, parce qu'ils ont dépassé les limites. Ils ont dépassé, ils sont sortis de l'autre côté. Donc attention qu'ils te passent le virus du takfir et du Taoutisme. Naam, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah Ta'ala, naam, s'il dit que yani c'est permis, c'est kafir. S'il dit que c'est mieux que la loi d'Allah, c'est kafir. S'il dit que c'est égal, c'est kafir. Naam, tout le monde sait cela. Mais je ne vais pas parler du matin au soir de cela et dire que tout musulman qui ne juge pas, même si naam, il est sous la contrainte, il est taout, celui qui dit ça, c'est lui-même le taout. Naam. Quant à la salat, la personne qui a parlé de la salat, qui a dit que chez nous la salat c'est à 6h35, ensuite j'arrive au travail à 7h pour la faire. Je dis, je ne sais pas chez vous à 7h si il fait déjà clairement jour ou pas. S'il fait déjà clairement jour et que le soleil classe va se lever, dans ce cas, yani, surtout si le soleil commence à se lever, c'est quoi? La salat est sortie de son heure. C'est pour ça que tu dois, ma soeur, dans ce cas, faire la salat dans le bus ou dans le train, assis, assise aussi. Non. Mais si quand tu arrives à 7h, il fait toujours nuit, il fait toujours sombre, il y a toujours de l'obscurité, Inch'Allah, t'as pas de problème. Et pour la salat al-Fajr, pour la salat al-Fajr, sache que entre salat al-Fajr et salat al-Subh, il y a seulement quelques minutes. Il y a quelques mots, il y a, non, non, il y a seulement quelques minutes. C'est pour ça que salat al-Subh, tu peux salat al-Fajr, tu peux la laisser jusqu'à par exemple 9h du matin, jusqu'à 10h, mouhim, avant salat al-Dhuhr, jusqu'à 11h. Non. Si tu ne peux pas la faire avant salat al-Subh de quelques minutes, alors laisse-la jusqu'à 10h, jusqu'à 11h, jusqu'à ce que le soleil se lève bien. Non. Mais si tu sais que en la faisant dans le bus, yani, en la faisant, yani, il ne reste pas beaucoup pour faire salat al-Subh, tu la fais assise, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Ensuite, eh non. Pour la personne qui a dit que sa belle-sœur ou je ne sais pas qui a dit que pourquoi Allah Ta'ala écrit nous écrit yani, qu'on a fait une erreur, pourquoi il la compte alors que il y a 50 000 ans c'était écrit que on allait la faire. On dit à cette personne, si tu veux dire par erreur qu'une personne se trompe et que Allah Ta'ala lui écrit qu'elle s'est trompée pour la châtier, ce n'est pas vrai. Car Allah Ta'ala dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhtana. Allah Ta'ala a dit que, yani, il a dit, qad fa'alt, j'ai fait, j'ai fait. Hadith rapporté par Muslim. Donc, yani, dans le Coran, c'est clair que quand quelqu'un se trompe, Allah Ta'ala ne le châtie pas. Mais si elle veut dire par erreur, yani, elle fait des péchés. Et ensuite, pourquoi Allah Ta'ala, qui a écrit que le péché allait se faire il y a 50 000 ans, pourquoi il nous châtie? On va lui répondre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a écrit il y a 50 000 ans que telle personne allait faire la zina, il l'a châtie. Pourquoi? Il l'a châtie parce que il a descendu un livre et envoyé un prophète auquel il a dit, dans lequel il a dit dans le Coran, qu'il ne fallait pas faire cette chose, qu'il ne fallait pas faire zina, etc. Et toi, tu l'as faite. Donc, tu as enfreint à quoi? À ses ordres. Mais Allah Ta'ala, quand il a écrit il y a 50 000 ans que tu allais faire zina, c'est pas il t'a contraint à faire zina. Il a seulement écrit ce qu'il savait que tu allais faire. Il aurait pu donc ne pas écrire et attendre jusqu'à ce que tu fasses. Ensuite, il écrit. Mais puisque Allah Ta'ala, naam, sa science, yani, s'étend partout et qu'il ne peut pas se tromper. C'est pour ça il a écrit d'avance. Donc tu dis à cette femme, tu lui dis, Allah Ta'ala, quand il a écrit que tu allais faire, ce n'est pas, il a écrit une écriture de contrainte. Il a écrit une écriture de science. Il savait que tu allais faire. Mais il ne t'a pas contraint. Au contraire, il t'a descendu le Coran dans lequel il dit, attention, tu fais cette chose. Il a envoyé le messager pour dire, dis-leur qu'ils ne fassent pas cette chose. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que la chose est claire, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, je réexplique, Inch'Allah Ta'ala, surtout à cette personne. Je m'adresse à cette personne. Tu n'as pas bien compris, dis-le-moi maintenant. Je te réexplique, c'est très important d'être la destination, la prédestination. Non. Pour la personne qui a dit que je me sens très loin et que je suis âgé et que malgré cela, yani, je me sens vraiment loin ou quelque chose comme ça. Je dis à cette personne, remercie Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, hein, qu'il a fait de sorte que, yani, déjà tu reconnaisses que tu es loin. Déjà la personne qui reconnaît qu'elle est loin, c'est déjà un grand khair, yani, que Allah Ta'ala lui a donné. Car quand Allah Ta'ala déteste une personne, il l'aime pas, il la laisse dans quoi? Il la laisse dans son ignorance et sa perversité ou même son coffre. On les laisse aveugles dans leur tyrannie, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Tant que toi, Allah Ta'ala, t'as ouvert les yeux, t'as enlevé la poussière de tes yeux, t'as enlevé le scellement autour du cœur et t'as fait voir que tu es loin. Ça veut dire, masha'Allah, il ne te reste plus quoi? Il ne te reste plus qu'à essayer de t'approcher en faisant un peu, yani, en commençant par les choses obligatoires, les plus importantes comme les prières à l'heure, par exemple, et en faisant quelques nawafil. Essaye de faire le siyam un jeudi. Essaye de faire des 12 rak'at en plus. Essaye de donner un peu d'argent, fisabilillah. Et surtout, essaye de faire beaucoup d'efforts pour apprendre. Et tu verras que, à chaque fois que tu apprends une chose nouvelle, tu sens que tu avances, masha'Allah. Car toute personne, ou bien avance, ou bien recule. Il n'y a pas de milieu. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأَخَّرْ. Pour celui qui d'entre vous veut avancer ou reculer. Il n'y a pas de milieu en islam. En islam, il n'y a pas, comment ça va? Je stagne. Tu ne stagnes pas. Donc tu es en train de revenir marche arrière. Pourquoi? Car tu n'as pas avancé. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala disait que Allah Ta'ala ne me bénisse pas le jour où je n'apprends aucune science. Comme ça, il faisait des doigts contre lui. Que Allah Ta'ala ne me bénisse pas le jour qui passe où je n'apprends pas une chose. Ça veut dire que chaque jour, on doit apprendre une chose nouvelle. Et bien sûr, l'appliquer. Toi, mon frère, toi, mon père qui est âgé, Alhamdoulilah, ce n'est pas trop tard. Alhamdoulilah, le fait yani, d'essayer de lire Chouya, de faire un peu de nafila, de côtoyer les gens qui ont la science. Tu vas voir, Inch'Allah Ta'ala, comment yani, ça va marcher, bidna Ta'ala, et que peut-être très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, Moi, je viens faire ici un cours, ou là, tu me dis, hey, toi là-bas, tout ce que tu dis, c'est faible, mon fils. C'est pas comme ça. C'est faux. Voilà, je te corrige, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, que vienne ce jour, Ya Rab. Donc, question de Shaina 2. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer un passage du livre Le comble des souhaits, commentaire du livre de l'unicité de Cheikh Salih Ibn Abdelaziz El-Cheikh? Car je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Voici le passage. Les actes accomplis par le serviteur et par lesquels il recherche un intérêt matériel se décompose en deux catégories. Premièrement, l'acte qu'accomplit le serviteur par intérêt matériel et sans rechercher de récompense dans l'au-delà fait partie des actes pour lesquels le législateur n'a pas cité de récompense matérielle, entre parenthèses, dans ce bas monde, comme la prière, le jeûne et autres formes d'œuvres et actes d'obéissance. Pour ces actes, il n'est pas permis de rechercher un quelconque intérêt matériel, et quiconque transgresse cet interdit est un polythéiste. Est-ce que seules les choses matérielles sont concernées par l'interdiction, ou bien cela englobe aussi toutes les affaires d'ici-bas? Par exemple, est-ce permis de prier pour qu'Allah nous aide dans une épreuve, ou pour être guéri d'une maladie, etc. Qu'Allah vous facilite et vous accorde le Firdaus. Amin. Question de Abdel 95. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous éclairer sur la voie et la aqida apparente de ces personnes? Voilà la question. J'ai entendu que Cheikh Rabi, Hafizahullah Ta'ala, Cheikh Ahmed El-Othman, Hafizahullah Ta'ala, et d'autres ont mis en garde contre Cheikh Othman El-Khamis. Hafizahullah Ta'ala, je précise bien que je me base ici sur des on-dit, car je n'ai rien entendu personnellement de la part de ces chouyours, et les personnes qui m'ont rapporté cela n'en ont pas fait plus, donc rien de bien probant. Mais cette chose m'a vraiment surpris. On m'a toujours dit que Cheikh Othman El-Khamis était du Minhaj, et il est fortement conseillé de parmi beaucoup de nos frères salafis. Entre parenthèses, il a été invité au printemps dernier dans plusieurs mosquées salafia de France reconnues, qui se renseignent bien évidemment sur la qualité des personnes qu'elles font venir pour nous donner des conférences. Et il est aussi nommé comme savant du Minhaj sur beaucoup de sites internet salafis de confiance. Beaucoup de frères et sœurs prennent de lui surtout pour contrecarrer les chiites, Rawafiz, car il est très très fort dans ce domaine, c'est incontestable. Et dans bien d'autres. À l'image de notre regretté cheikh Ihsan Illahi Dahir, rahimahullah ta'ala, si ces mises en garde contre cheikh Osman El-Khamis existent, sont-elles fondées et sur quoi? Pouvez-vous nous éclairer selon vos capacités, cheikh, car je trouve vraiment cela très surprenant. Et connaissez-vous cette tazkiya exacte, hormis le fait qu'il fut l'un des élèves de notre cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Aussi, certains frères disent qu'il faut prendre du recul avec les mises en garde excessives et abusives, car certaines d'entre elles sont dures ou injustifiées. Sachant que certains savants qui mettent en garde sont aussi confrontés à ce genre de mise en garde à leur égard par d'autres savants qui sont également reconnus. Et cela existe depuis les premières générations de l'islam. On tombe donc parfois dans une exagération. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Pouvez-vous aussi nous éclairer sur Salih al-Munajjid, qui lui, selon l'avis encore de certains savants, fait partie de la tendance des Ikhwan Qutbistes? Est-il à l'image de Tarek Souaiden, Mohamed Hassan ou Abu Ishaq el-Huwayni, que l'on sait, eux faisant partie de cette mouvance, enfin? Bien sûr, chacun a sa spécificité, il ne faut donc pas tout mettre dans le même moule. Éclairez-nous sur ces individus chers, même si cela a déjà été fait pour trois de ces derniers cités, pour ôter une nouvelle fois à nos frères et sœurs toute ambiguïté, Inch'Allah. Le rappel prophète aux croyants, aussi j'aimerais que vous puissiez me conseiller sur une mosquée salafia au Maroc, plus particulièrement dans la région de Casablanca, car un frère s'est installé récemment là-bas et il aimerait savoir quels sont les savants à voir dans la région et quelles mosquées sont recommandées. Je vous rappelle aussi, cher, d'ouvrir votre room dans la section France une fois par semaine, comme vous nous l'avez dit mercredi dernier. Barakallahu fikoum, ya cher. Question suivante. Question de Abu Salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykoum, ya cher. Je suis âgé de 22 ans. J'ai décidé cette année d'aller étudier en Arabie Saoudite, mais mes parents s'y opposent, pour la raison qu'ils ont besoin de moi. Je précise que nous sommes effectivement à un moment où la vie de ma famille change complètement et mes parents commencent à se faire vieux. Je possède un frère plus âgé qui commence un projet en France et mes parents veulent rentrer au Maroc et ils veulent que je les accompagne. Dois-je essayer de trouver une alternative pour essayer de faire la hijra en Arabie Saoudite, sachant que je n'en vois pas pour le moment? Y a-t-il un endroit où je peux étudier au Maroc? Par contre, cher, il y a un frère sur le InSpeak qui dit que vous n'avez pas répondu à sa question, qui concernait le site que je vous ai envoyé sur le Whisper, qui disait que ce sont des gens qui ne disent que du mal sur tous nos savants, Nawawi, Al-Asqalani, etc. Je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Inch'Allah, si vous pouviez répondre. Donc là, je vais poser la question suivante. Question de Oumou Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question concernant la présence d'Allah de façon particulière. Après une invocation, par exemple, lorsqu'on invoque Allah pour nous protéger d'un mal, est-ce qu'on peut se dire avec certitude qu'Allah est avec nous par sa protection ou bien on doit y penser de façon globale? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi, entre guillemets, la race arabe est meilleure que les non-arabes, tout comme les Quraysh sont meilleurs que les non-Quraysh, car j'ai entendu un dars qui affirme qu'à même niveau de dîn, on doit choisir pour époux un arabe par rapport à un non-arabe. En quoi la race arabe serait meilleure que les autres races? Barakallahu fikoum. Par contre, au lieu d'utiliser race, vaut mieux utiliser d'origine, les origines. Il n'y a qu'une seule race. Tfadal, cher. J'ai pas compris la question. Quand on invoque Allah, est-ce qu'on doit dire qu'il est avec nous ou il y a quelque chose comme ça? Non, mais je la répète, cher. Concernant la présence d'Allah de façon particulière. Après une invocation, par exemple, lorsqu'on invoque Allah pour nous protéger d'un mal, est-ce qu'on peut se dire avec certitude qu'Allah est avec nous par sa protection ou bien on doit y penser de façon globale? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je rappelle que, Inch'Allah Ta'ala, je pense que lundi, Inch'Allah Ta'ala, vers 21 h, on va faire le concours, Inch'Allah Ta'ala. On va se rencontrer dans la section arabe, la section religion. Ensuite, on va aller, Inch'Allah, quand on se regroupe, on va aller, Inch'Allah, de l'autre côté. Inch'Allah Ta'ala, sauf si je suis absent ou là, il n'y a pas de connexion. Pour les personnes à laquelle j'ai dit de me téléphoner, Inch'Allah Ta'ala, demain à 14 h. Bi-idhnillah ta'ala. Je demande à Allah ta'ala que je n'oublie pas, c'est tout. Il reste autre chose. Pour le site, l'envoyer, que on m'a envoyé en Whisper qui est très mauvais, etc. Je ne comprends pas qu'est-ce que je dois dire. Qu'est-ce que je dois dire? Je n'ai pas compris. La personne elle-même sait, elle m'a dit que c'était un mauvais site où on parle, hein, où on parle de mauvais sur les grands savants. Donc, je dis, Inch'Allah Ta'ala, chaque personne qui sait que dans tel site, on parle de mauvais sur les savants, etc., on doit quoi? On doit mettre en garde contre ce site. Comme le frère l'a fait maintenant. On doit dire attention et à ce site, surtout que certains, font appeler le site par Salafi, Salafia, et comme ça, pour faire croire que à l'intérieur, c'est Allah a dit et son prophète a dit, alors que c'est juste pour critiquer les salafs et pour dire de mauvais sur eux et pour tromper les gens, qu'Allah Azzawajal nous préserve d'eux. Non. Pour la personne qui a dit, non, en ce qui concerne les races, la race arabe, pourquoi elle est la meilleure, etc., je dis tout simplement que les Arabes sont connus par exemple par. Ils ont des habitudes que les autres n'ont pas. C'est tout. Ça ne veut pas dire que celui qui est d'origine, par exemple, allemande, que s'il est pieux, que l'arabe qui est moins pieux va le dévancer au paradis. Ce n'est pas vrai. Mais dans cette dunya, les arabes, surtout les anciens, étaient connus, par exemple, qu'ils étaient très généreux. Ils sont connus, par exemple, qu'ils sont très jaloux de leurs femmes. Non, sont connus par exemple qui sont forts dans le haqq, qui le disent. Et comme ça. Ça ne veut jamais dire qu'on est pour leur hospitalité. Mais jamais ça veut dire que s'il n'est pas pieux, qu'il sera au paradis avant le pieux qui est d'origine juive. Ça, c'est pas vrai. Alhamdoulilah. Non. En ce qui concerne, reste une chose ou les deux. La personne qui veut aller étudier en Arabie Saoudite, etc., et les parents, etc., je lui dis, Inch'Allah ta'ala, tant que tu peux étudier dans un autre pays et en même temps être près de tes parents, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Surtout, surtout, surtout, les parents. Avoir l'agrément des parents, c'est quelque chose de sublime chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans n'importe quel pays, tu peux apprendre. Que ce soit au Maroc, que ce soit où tu es, tu peux apprendre le dîn en côtoyant les frères. Maintenant, il y a l'internet, il y a les cours, il y a des livres. N'importe quel livre tu veux, tu le trouves sur l'internet. Il y a le contact des savants, il y a ceci, il y a cela. C'est pour ça que je te conseille, par exemple, d'être avec tes parents au Maroc, Inch'Allah ta'ala, et de chercher là-bas où apprendre le dîn. Et peut-être qu'un jour, Allah ta'ala t'ouvrira une porte pour aller demander la science, par exemple, en Arabie Saoudite. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, pour Othman Khamis et les autres qu'a cité la personne, je dis en général, c'est pour ça que je fais passer aussi le message aux admins. Je dis qu'en général, Sunna wal Jama'a, n'am, parle des gens et montre quels sont les gens bien et quels sont les gens qui ne sont pas bien pour mettre en garde contre eux. Mais ce n'est pas obligé que ça soit dans un salon devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des nouveaux qui ne comprennent pas ces choses. Des nouveaux qui disent, je ne vois pas pourquoi ils parlent sur des savants. Je ne vois pas pourquoi c'est interdit de faire la calomnie. Celui-là, il a calomnié. C'est interdit de parler en son absence. Celui-là, il a parlé en son absence. Et comme ça, ils sont jeunes, ils sont nouveaux, ils sont ignorants. Pas tout le monde comprend. C'est pour ça que les savants disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais qu'on ne dit pas devant tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'en parenthèse, le message est aussi adressé aux admins. Donc, quant à Cheikh Othman Khamis, je n'ai jamais jusqu'à présent entendu quelqu'un qui a fait une mise en garde contre lui. Il est Koweïtien, j'ai vécu au Koweït, je l'ai vu plus d'une fois. Jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a fait sur lui une mise en garde. Maintenant, si quelqu'un a ou est sûr qu'on a mis contre lui une mise en garde, qu'il nous la ramène pour qu'on la voie, pour que nous aussi, on sache ce qu'on fait. Ensuite, il a demandé sur le Munajjid, c'est vrai que certains ont parlé de lui sur le minhaj, pas sur la science elle-même, car il était un des proches de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et sur le minhaj, certains savants l'ont critiqué, qu'il était plus proche des Ikhwan dans certaines de ses réponses. Non. Quant à Tariq Sweden, celui-là, ils ont mis carrément en garde contre lui. Non, carrément en garde contre lui. Ras Mohamed Hassan, on en a parlé plusieurs fois sur lui. On en a parlé plusieurs fois sur lui et on a dit que, yani, auparavant, il avait fait beaucoup de fautes. Et que, yani, il paraît, Wallahu ta'ala alam, qu'il se corrige de plus en plus. Mais, comme disent les savants, il faudrait qu'il enlève, pour que ce qu'il fait soit accepté, il faudrait qu'il enlève de son site toutes les choses qui sont mauvaises. Tous les extraits de Sayyid Qutb et des Ikhwan Muslimin, il faut qu'il enlève tout ça de son site pour que, yani, la Tawba soit vraiment acceptée, comme vous le savez. Quant à la personne qui a dit que, yani, quelle mosquée choisir au Maroc, je lui dis, bah, franchement, je ne sais pas. Non, je ne connais pas les mosquées au Maroc, ni je ne connais quelles sont les meilleures mosquées, quelles sont celles qui ne sont pas bien. Wallahu subhanahu wa azza wa jal, alam. Voilà ce que je voulais dire, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je m'excuse si je vais m'arrêter pour vous donner rendez-vous, inshallah ta'ala, lundi. Tfadlal, musulman. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, cher, vous avez rien oublié, alhamdoulillah. C'est juste qu'il y a une personne qui demande un rendez-vous téléphonique. Est-ce que je lui donne la même heure que les autres? Demain à partir de 14h. Allahu alam. Tfadashir. Demain, inshallah ta'ala, à partir de 14h. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.